auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission Mosaïque du vendredi 7 février. Eh oui, que le temps passe vite, hein. Cette année-là, elle est déjà bien entamée. Eh bien, ce soir au programme, eh bien, il y aura de la musique, hein, bien sûr. Une chanson, Le Chiffon Rouge. Ben oui, c'est le titre de la première émission qu'on a faite, qu'on faisait avec Raymond et Luce à Rue sur Moselle, Chemin du Guémoseau, d'où le nom de la radio, Chemin du Guémoseau, Le Chiffon Rouge. Il sera question de choses graves, sérieuses et tristes, bien sûr, en ce moment c'est pas mal la mode, hein, malheureusement. Alors par exemple, bien les hôpitaux, les démissions. Un certain nombre de médecins ont déposé leur démission pour les tâches administratives, hein, et voilà, ils ne font plus certaines tâches, et ils espèrent qu'on va leur donner du personnel qui fera ces tâches à leur place, qui leur permettra de faire davantage leur métier, c'est-à-dire la médecine. Ensuite, eh bien, une chanson de Jean Ferrat, par exemple, « Ma France », hein, et puis Jean-Luc Mélenchon, nous expliquera un peu ce qu'il pense de la situation actuelle. Ensuite, grève de 44 jours. Les grèves ont duré 44 jours déjà. Les soignants, eux, ils sont en grève depuis 10 mois. Vous avez peut-être vu, en passant devant l'hôpital de Remiremont, les pancartes, voilà, qui annoncent ben, que tel et tel service sont en grève depuis tant de temps. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'ils obtiendront satisfaction? Est-ce que nous obtiendrons satisfaction? Parce que les grévistes, il ne faut pas oublier qu'ils se battent pour eux, pour leur carrière, pour le type de travail qu'on leur fait faire, pour le salaire qu'on leur donne, pour le temps qu'on veut les faire travailler avant la retraite, etc. Mais ils se battent aussi pour la qualité du service qui est rendu aux patients, c'est-à-dire nous. Hein, voilà. S'ils ne faisaient pas grève, peut-être qu'on en subirait les conséquences. Alors, il faut les appuyer, il faut les aider. Les grévistes, tous les grévistes, les manifestants, tous les manifestants. Et puis, Alain Badiou nous parlera des luttes. Hein. C'est un philosophe, politologue, musique Godvarsveld, tu n'es qu'un employé, un train de misère, un salarié. Hein. Ouais, bah oui, j'aime bien moi ce chanteur ch'ti, là, qui chante avec l'accent de là-bas. Eh oui. Ensuite, la police, les pauvres, les milliardaires. Police, pauvres, milliardaires. Alors, qu'y a-t-il entre ces différentes catégories de population, hein? Eh bien, on va voir ça. Ensuite, Raoul de Godvarsveld nous chantera sans doute les cigares, hein? Quand les cigares, ils changeront de bouche, etc. Ensuite, téléphone. Visage, bombe A, chômage, les bateliers de la Volga, je condamne l'entêtement, là c'est Adrien Quatennens qui nous dira qu'il condamne l'entêtement du gouvernement. Voilà. Et puis, ben, arriverons à la fin de l'émission, sans doute, hein, et je vous souhaite donc, par conséquent, une bonne soirée à l'écoute de RGM, Radio Libre, depuis 40 ans qu'elle est libre, notre radio. Et oui, malgré envers et contre tout, contre tous, non pas contre tous, contre tout, enfin contre le machin, contre le machin qui fabrique tous les malheurs qui nous arrivent au fil de notre vie, qui nous fabrique des années gâchées, des années de vie gâchées. À force d'accumuler les années de vie gâchées, on pourrait considérer que ça peut équivaloir à quelque chose de pire encore, d'irrémédiable, de définitif, de particulièrement triste. Hein, oui, et alors voilà, et puis bah, malgré tout, je vous souhaite quand même une bonne soirée, une bonne nuit et un bon week-end. À la prochaine, au revoir. Le droit du coup est un mot creux. C'est assez. très vite, plus de moyens pour l'hôpital. C'est un acte fort et d'une ampleur inédite. À Toulouse, nous avons rencontré plusieurs d'entre eux, précurseurs. Eux n'en sont plus au stade des menaces, ils ont déjà démissionné. Et nous avons aussi suivi un chirurgien qui a quitté le public pour le privé il y a 3 ans. Il ne le regrette pas du tout. Marie-Candice de l'Ouvrier, Olivier Combes. À la tête d'un des secteurs les plus sensibles de l'hôpital, la pédiatrie, ces médecins n'avaient jamais imaginé en arriver là. Démissionner de leurs tâches administratives, un geste qui n'a rien de symbolique. Je trouve que la démission n'est pas une bonne chose. C'est dire qu'on est en échec quand on démissionne et c'est pas bien. Mais là, malheureusement, on n'avait pas d'autres solutions pour faire avancer la situation. Dans le courrier qu'ils ont adressé à leur direction, ils dénoncent la mort de leur hôpital et des alertes qui n'ont jamais été prises en compte. Construit il y a 20 ans, l'hôpital des enfants est aujourd'hui sous-dimensionné pour faire face à l'afflux de jeunes patients toujours plus nombreux à Toulouse. Le personnel craque. Avant-hier, une infirmière a encore annoncé son départ. Moi, il y a vraiment des fois où je reviens de week-end et je me dis, mais ça va tellement mal dans tous les services qu'il y en a un qui va faire une bêtise. C'est des erreurs médicales, c'est des gens qui travaillent dans la crainte et dans l'appréhension. Et moi, c'était vraiment pas du tout ma conception de l'hôpital et encore moins celle de l'hôpital public. Au-delà des moyens supplémentaires, ces médecins réclament d'être mieux associés aux décisions de l'hôpital. La direction n'a pas souhaité commenter leur démission et a confié leurs tâches administratives à d'autres personnels hospitaliers. Il faut que remettre les médecins au cœur de la gestion de l'hôpital. En aide avec les directeurs, l'administration. Je ne suis pas contre l'administration, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et actuellement, on ne travaille plus ensemble. Un constat qui pousse d'autres professionnels à quitter l'hôpital public. Ce chirurgien en gynécologie gagne aujourd'hui 20% de plus en exerçant dans une clinique privée, mais ce n'est pas ce qu'il est venu chercher en priorité. L'absence d'angoisse sur ma prise en charge et sur la prise en charge de nos patients. Je sais que si je pars en vacances, si je vais en congrès, le reste de l'équipe va le traiter de la même façon que moi et avec la même philosophie médicale. Et globalement, avec une réactivité qui reste correcte et qui est absolument nécessaire en cancérologie. Ces départs vers le privé ne sont pas massifs, mais à Toulouse, de plus en plus de jeunes internes ne font plus le choix de l'hôpital public, contrairement à leurs aînés. L'honneur de devenir chef de service, c'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pairs, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement. Les médecins continueront de soigner les patients, mais abandonnent leurs fonctions administratives. Plus de gestion de planning, de matériel, plus de réunions financières, de quoi gripper les rouages de l'hôpital. Un bras de fer s'engage donc avec la ministre de la Santé. En novembre, elle avait annoncé un plan d'urgence pour sauver l'hôpital. À la clé, la reprise d'un tiers de la dette, soit 10 milliards d'euros sur 3 ans, et une rallonge budgétaire de 300 millions d'euros cette année. Mais dans la lettre qu'ils ont envoyée à la ministre, les médecins estiment que c'est trop peu, trop partiel, trop étalé dans le temps. Eux réclament davantage, 600 millions d'euros supplémentaires, une revalorisation des salaires, et que l'hôpital ne soit plus considéré comme une entreprise. Un enfant qui a été maltraité, qui est hospitalisé en neuropédiatrie et qui attend une place en pouponnière parce qu'il est placé, eh bien, il ne rapporte pas d'argent et il coûte beaucoup. Et on ne peut pas être dans un système où on nous dira un jour, on ne peut pas soigner ces patients-là parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc cette idée de rentabilité, je pense qu'on est arrivé au bout de ce système-là. Pas de réponse d'Agnès Buzyn aujourd'hui, mais son cabinet assure qu'elle rencontrera dans les prochains jours une délégation de médecins démissionnaires. La réforme des retraites suite, comment prendre en compte la pénibilité dans la fonction publique? Plus d'un million de Français sont potentiellement concernés. La question était au cœur aujourd'hui des négociations entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. Travail de nuit, charges lourdes, comment sera définie cette pénibilité? Quel type de métiers pourront en profiter? Les réponses sont avec Simon Ricotier et Alexis Jacquet. Ils sont éboueurs, infirmières, aides-soignants ou égouttiers. Des fonctionnaires travaillant dans des conditions particulièrement pénibles et classés dans ce qu'on appelle la catégorie active. Traduction, actuellement ils peuvent partir à la retraite de façon anticipée à 57 ou 52 ans suivant les cas. Avec le projet de réforme, mis à part les fonctionnaires en uniforme comme les policiers ou les pompiers, c'est la fin de la catégorie active. Retraite donc à 62 ans. Laurent Darbon est éboueur à Paris depuis 26 ans. Ce matin, avec des collègues, il bloque l'accès d'un incinérateur de déchets pour protester contre la réforme des retraites. Selon lui, la pénibilité de son métier doit continuer à être reconnue. Le froid, la neige, quoi qu'il arrive, le temps, il peut faire moins 10, moins 20, on est toujours dehors. Ça fatigue beaucoup et on va dire au niveau, je veux dire, de la manipulation, à bout de 15 ans de peine, on est mort, quoi. Pour compenser en partie ce qu'ils perdent, la pénibilité du travail des fonctionnaires sera prise en compte comme dans le privé. Il existe 6 critères. Le travail de nuit, en équipes successives, les tâches répétitives, en milieu bruyant, par des températures extrêmes ou sous l'eau. Les fonctionnaires concernés par ces critères pourront gagner 2 ans sur leur départ en retraite, donc partir à 60 ans. Cette infirmière réclame que d'autres critères récemment supprimés soient réintégrés. Le gouvernement actuellement a retiré plusieurs critères, dont le port de charges lourdes, qui est une des pénibilités majeures, le contact avec les produits chimiques. D'après les syndicats, 200 à 300 000 agents seront lésés, un chiffre contesté par le gouvernement. Selon lui, la réforme devrait même faire des gagnants, les fonctionnaires qui ne sont pas aujourd'hui en catégorie active, comme les agents de nuit, des mairies et des préfectures. Demain, eux aussi profiteront des critères de pénibilité. Autre sujet de négociation dans cette réforme des retraites, l'emploi des seniors. C'est le grand paradoxe mis en avant par les syndicats. Vous le savez, comment rester actif jusqu'à 64 ans alors qu'il n'y a bien souvent pas de boulot pour les seniors. Aujourd'hui, seule la moitié des plus de 55 ans vont jusqu'à la fin de leur carrière. Et pourtant, certaines entreprises, vous allez le voir, misent sur ces seniors et en font même un atout marketing. Sophie Lançon. Dès la porte d'entrée, le ton est donné. Dans cette entreprise de restauration rapide, la moitié des 10 salariés a plus de 50 ans. Je vous le fais réchauffer ? Oui, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Olivia Casabona assume ses 55 ans. Après avoir travaillé dans l'événementiel, elle est devenue salariée dans la restauration. Pas question pour elle de se voir comme une senior. Pareil, mais c'est juste un... Je vous les mets dans le même sac. Hein. Je me sens encore jeune et efficace. Je trouve que l'idée des seniors à partir de 45 ans, moi j'en ai 55, écoutez, ça va, j'ai encore le temps, j'ai envie de travailler encore longtemps. Les clients, eux aussi, apprécient. C'est toujours une bonne initiative d'employer des gens différents un peu. Je trouve que c'est une bonne chose, je ne vois pas forcément la différence, le service est tout aussi bon qu'il pourrait être n'importe où. Tiens, je te donne ça. Parier sur les seniors, un argument marketing. Mais aussi un atout au quotidien. Bah là, je crois que c'est les derniers. Les gens de plus de 50 ans, ça apporte beaucoup de sérénité. Ce sont des gens qui ont de l'expérience de vie, de la sagesse, et qui savent gérer tout type de situation. Au milieu, on mettra... Claude Briouat, lui, est encore plus proche de la retraite. De poser les GBA sur la rampe. Ouais. Âgé de 57 ans, il a été embauché il y a 6 ans pour encadrer les chantiers après une longue période de chômage. J'avais peur d'être peut-être un petit peu trop vieux, j'avais plus les artères de 20 ans, mais j'ai un acquis qui est très important et peut-être qu'un jeune va faire le même travail que moi, mais mettra peut-être deux fois plus de temps. Pour son collègue récemment sorti d'école d'ingénieur, il a fallu s'adapter. Ouais. On avait un peu de mal à se coordonner au début et en fait après je me suis rendu compte que il avait beaucoup de compétences et que donc je pouvais énormément m'appuyer sur lui. Ça va ? 35% des 10 000 salariés français de l'entreprise ont plus de 45 ans. Ils sont payés plus cher que leurs collègues plus jeunes, mais c'est pourtant rentable selon la direction. Si on n'avait que des jeunes sortis d'école, on aurait du mal à faire les chantiers. Si on embauche quelqu'un de 30 ans d'expérience un peu plus cher qu'un jeune, c'est qu'il doit apporter beaucoup. Enfin, je veux dire, il mérite son salaire, sinon on ne paierait pas ce prix-là. L'entreprise vient d'obtenir un label. 45 ans et plus, pour sa politique de recrutement. Et pourtant, travailler après 60 ans, ça n'est pas si commun. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Julien. Vous nous avez rejoint. Que disent aujourd'hui les chiffres ? À combien s'élève précisément le taux d'emploi des seniors ? Alors, si on prend la classe d'âge de 60 à 64 ans, seulement 31% d'entre eux ont un emploi. C'est moins que la moyenne européenne, 44%. Beaucoup moins qu'en Allemagne, 60%. Et quand un senior est au chômage, eh bien ça dure 18 mois en moyenne, bien plus longtemps que pour les autres chômeurs, 11 mois. Et quel est le profil type, j'allais dire, de ces seniors au chômage ? Alors, il y a autant de femmes que d'hommes. Ce sont des personnes peu diplômées. Les 3/4 d'entre eux n'ont pas le bac. Et pour 52% de ces seniors, ils sont au chômage suite à un licenciement. Et ça, c'est stable ? Ces chiffres, ils sont stables depuis quoi ? 15 ans ? Alors, depuis 15 ans, l'emploi des seniors progresse. Pour les 55-64 ans, le taux d'emploi est passé de 37% à 53% aujourd'hui. Trois raisons. On vit plus longtemps, on a mis fin aux pré-retraites autrefois encouragées dans certains secteurs comme l'automobile, et surtout, on a retardé l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans. Bien, on voit que ça reste important, mais ça progresse. Merci Jean-Paul pour ces chiffres et ces précisions. Président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites, 42e jour de grève, les propos d'Emmanuel Macron sur les violences policières, bien d'autres sujets. Nous sommes ensemble pour en parler. Mais d'abord, vous avez entendu que Ségolène Royal a été en quelque sorte licenciée de son poste d'ambassadrice d'épaule et qu'aujourd'hui le parquet national financier a annoncé qu'une enquête préliminaire était ouverte sur la manière dont les fonds de son poste d'ambassadrice était utilisé. Je peux pas m'en amuser parce que je crois que c'est grave. Elle fait bonne figure. Mais enfin, en août, elle déclare qu'elle pourrait être candidate à la présidentielle. Et aussitôt, la machine se met en route. Des gens découvrent tout un coup qu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Et puis pour finir, on lui annonce qu'elle va peut-être être mise... Il y a une enquête préliminaire, attention, on n'est pas du tout... Si vous me posez une question, alors. Oui. Donc c'est normal, vous avez raison. Normal. Non, pas du tout, dans ce pays, quelqu'un annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Trois mois après, il a le parquet national financier. Il est viré de son poste. Bon, c'est ce qui arrive à madame. Et puis, dans tout ça, il y a quand même un grand grand absent dans la discussion, c'est l'épaule. Figurez-vous que ça a une importance pour les Français. Michel Rocard avait fait des choses magnifiques dans ce domaine, pour le pôle Sud, pour interdire l'exploitation. Et puis pour les Français, le pôle Nord, c'est aussi un grand débat, parce que tout le monde veut savoir à qui appartient ce qu'il y a dessous. Et nous, les Français, on a quelque chose à dire là-dessus. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, on lui reproche à Ségolène Royal de ne pas en avoir fait assez sur l'épaule, justement. Ah de ne bon pas avoir été présente. Qu'est-ce qui fait ça? Ah ben, des gens qui sont présents dans ces réunions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez peur de le dire, non? Des journalistes de France Info ont décidé que Madame Ségolène Royal ne faisait pas son boulot. Et donc, à partir de ça, suivant la mécanique habituelle, moi j'en sais rien, j'ai même pas été demandé qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai. Mais je remarque ça, elle est candidate en août, voilà. Aussitôt, curieusement, on s'intéresse à ce qu'elle fait, pas sur l'épaule, ni même quelle est la politique des Français, parce que Madame Ségolène Royal, si j'ai bien compris, est ambassadrice. C'est pas les ambassadeurs qui fixent la politique, c'est le pouvoir exécutif. Donc, quelle est la politique des Français à propos de ses épaules, et qu'est-ce que Madame Ségolène a fait ou pas? Je veux pas la défendre, je suis pas son avocat, mais bah, juste, quand même, je vous la soutenez bien, hein. Là, vous dites qu'elle est victime d'un acharnement politique, quoi. Je dis les choses comme je les sens. Et c'est pas parce que quelqu'un est un adversaire politique pour moi, ou un adversaire dans la vie sociale, que pour autant je suis prêt à ramasser toutes les pierres qui passera à portée de main pour les lui jeter. Mais comment tout ça s'enchaîne. Vous pensez que ce serait une candidate à la présidentielle sérieuse, et par exemple, sur des sujets comme l'écologie, comme l'ordre juste, comme la démocratie participative, elle a un passé, sur le sujet. Oui, je veux dire, en plus de choisir les candidats à la présidentielle des autres. Bien sûr, mais enfin, elle vous paraît avoir des qualités pour l'être. Madame, vous êtes vous-même en train d'expliquer pourquoi ils ont pris ça au sérieux. Parce qu'elle a déjà été candidate à l'élection présidentielle, je voudrais peut-être vous le rappeler. Bon, et elle s'est retrouvée au deuxième tour, en face de Monsieur Sarkozy. Donc clairement, ils se disent, cette socialiste-là, elle pourrait grignoter encore un peu sur les électeurs de Monsieur Macron. Peut-être qu'elle pourra en récupérer. Règle le monde compte entre eux. Hein. Ouais, elle ne pourrait pas récupérer certains de vos électeurs? Je ne sais pas, madame, je ne sais même pas si elle est candidate. Bien sûr. Je vous dis juste ceci, parce qu'il faut parler sérieusement. Elle annonce en août qu'elle peut être candidate, nous sommes en janvier, elle a le parquet national financier sur le dos. Voilà, c'est tout. Et alors, vous savez, c'est les mots, le parquet national financier. On part d'une enquête, entre guillemets, de journalistes, qui mettent en cause l'usage qu'elle fait de ses assistants. Attendez, alors elle a répondu sur Facebook. Bon, on passe pas la soirée là-dessus, non, si vous voulez bien. Pas du tout, mais elle dit que c'est une enquête parfaitement légitime dans une démocratie, voilà. De la transparence sur les fonds publics et de rigueur. Parfaitement, tout va bien. Voilà. Alors pourquoi m'interrogez-vous? Parce que je voulais avoir votre avis et ça ne m'a pas surpris, vous voyez. Moi, votre réaction ne m'a pas surpris. Mais oui, on n'est pas là pour se faire des surprises. Non, mais pour commenter comment se passe dans un pays qui a un problème avec la démocratie, tous les moyens sont bons dorénavant quand quelqu'un apparaît dans le paysage pour le liquider. C'est les méthodes des macronistes, c'est ça le régime macronien. Madame Royal, elle fait bonne figure, elle fait ce qu'elle peut. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Non, je suis au-dessus des lois. Hein. Non, personne n'est au-dessus des lois. Ah. Mais c'est ça leur diabolique art de faire les choses. Mais la démocratie, elle est en cause dans ce cas-là. Elle est en cause dans les violences policières. Elle est en cause dans la manière avec laquelle on va nous faire délibérer au Parlement sur la loi retraite. On va y venir, bien sûr. J'espère on va parler bien, de votre proposition. Je vous en prie. Vous êtes venu pour répondre à mes questions, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je suis venu pour parler des sujets de l'actualité. Très bien. Mais vous allez quand même répondre à mes questions. Je n'ai pas le moyen de me passer de vous. Vous voyez, c'est pareil. Alors, juste un mot dans ce qui... Quand je vous ça, disais... c'est gentil, ça. Bah, oui, vous voyez. Attendez, je vais le noter. Quand je vous disais que je ne suis pas surprise, c'est parce que, apparemment, dès qu'il y a quelqu'un qui a des démêlés d'une façon ou d'une autre avec la justice, vous le soutenez. Parce que vous l'avez dit aussi pour Carlos Ghosn. Vous avez dit les droits de l'homme et de la défense s'appliquent pas en fonction des critères de classe. Monsieur Ghosn, il y a le droit comme les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Et là aussi, vous avez été un des rares politiques à l'avoir défendu. Ça veut dire que maintenant, en fait, tous ceux qui vont faire de la justice, pour vous, sont des alliés. C'est curieux que vous soyez comme ça. C'est curieux, hein. Vous arrêtez qu'à la forme, vous intéressez pas au contenu. J'ai dit que les droits de l'homme, écoutez-moi, Rutel Cria, parce que le nombre de fois où vous m'avez fait des procès en me braillant à la figure Venezuela, Cuba, blablabla. Moi ? la presse en général et vous comme les autres. Et que moi je vous dis, vous m'entendez, je parle d'un patron que j'ai combattu parce que j'ai appuyé les syndicats de chez Renault et que je continue à les appuyer. Et que je vous dis que cet homme a des droits qui sont les droits de tous les êtres humains. Eh bien, je persiste et signe et je signe. Et je dis, monsieur Carlos Ghosn a droit à un procès honorable, monsieur Carlos Ghosn a droit aux droits de l'homme. Et ça, vous... ça vous surprend, hein. Mais non, mais justement, c'est ce que je vous dis, ça ne me surprend pas. Ah bon, non, la traduction que vous en avez fait, c'est Mélenchon est contre la justice. Vous voyez comme vous êtes? C'est ce que vous venez de faire. Bon, en tout cas, je ne suis pas contre la justice, madame. Il m'arrive d'être contre une politique de la justice, celle des Japonais en particulier à l'égard de M. Ghosn, ou celle des macronistes qui ont maintenant utilisé la justice sous la houlette de Mme Belloubet pour régler leurs comptes politiques. Ben, je dis les choses au moins, bon, non ? Il vous a remercié en tout cas. Il a dit qu'il rendait hommage à votre déclaration qui était une conviction. C'est surprenant et honnête. Allez, on va passer aux retraites, et à la grève. Deuxième jour de grève à l'appel de l'intersyndicale, c'est de mouvement hein, depuis hier, mais 42e jour de grève. Aujourd'hui, le trafic reprend un peu. Il s'améliore assez nettement dans les métros et dans les bus. Et les Français et les Franciliens sont quand même soulagés. Vous avez dit sur votre blog, c'est un moment décisif, le fond de l'air est bon, il faut tenir bon. Malgré tout... est-ce que vous n'emmenez pas les grévistes dans une impasse? Oui. Alors, je crois que je vais arrêter d'écrire et de parler, parce que si j'écris et je parle, je pense m'exprimer bien, plutôt bien, quoi, je dirais à la moyenne. Hein. Plutôt mieux que d'autres. Moi, je dis, quand je dis le fond de l'air est bon, ce n'est pas pour dire « Waouh, c'est formidable, la situation est magique », non, parce que les gens souffrent horriblement. Dans deux ou trois jours vont arriver des feuilles de paye avec marqué « 0 € » dessus. J'en profite parce que je suis ici pour dire que la direction de la RATP, la direction de la SNCF, dont l'actionnaire principal, dont l'actionnaire est l'État ou les collectivités locales, je leur dis, vous devriez maintenant, vous devez faire preuve d'humanité, étaler le manque à gagner des grévistes. Ne leur infligez pas une feuille de paye à zéro, parce qu'ils ont des familles, et ils font tout ça pour les leurs, et ils le font pour beaucoup de Français. Par conséquent, quand je dis que le fond de l'air est bon, c'est pas parce que la lutte est là et qu'on est obligé de galérer comme galèrent aujourd'hui les grévistes. C'est parce qu'il y a une conscience politique qui va dans des milieux qui n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire que les milieux des salariés, les milieux populaires, bon, ceux des Gilets jaunes, SNCF, ou ceux de la SNCF, qui existent depuis longtemps. Laissez-moi juste finir ma phrase, vous allez voir. Les avocats, on n'était pas habitués à les voir dans la lutte. Vous les soutenez? Eh bien, évidemment, vous connaissez leurs raisons. Oui. Est-ce qu'il faut que j'explique le problème de la caisse de retraite des avocats? Je veux juste savoir que vous les soutenez. Mais évidemment, que font tous ces gens? Ils sont en train de réaliser que le monde auquel ils croyaient, les valeurs auxquelles ils croyaient, ne fonctionnent pas. Que c'est un monde, une société qui n'est pas en état de répondre à leurs demandes élémentaires de justice, d'équité. Ça ne répond plus. Donc, de catégorie sociale, vous attendiez à avoir les tirades de l'opéra dans la lutte? Non. Ben, c'est moi un non régime plus. Spécial. Bon, et ainsi de suite. Profession après profession, après qu'on ait pris des grands airs pour parler des régimes spéciaux, on découvre qu'il y a des régions spéciales à ce qu'il y ait des régimes particuliers pour toutes ces professions. Et c'est cette conscience-là qui s'étend, dont je trouve que c'est bon. Et d'accord, donc c'est pas de continuer la grève qui est bon, parce que je voudrais qu'on écoute, et c'est intéressant ce que vous m'avez dit sur le fait que les grandes entreprises, notamment RATP, SNCF, doivent faire des efforts dans la négociation pour sortir le mieux possible de la grève, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Il ne faut pas humilier les grévistes, Moi, il faut les aider. Je ne peux pas regarder tant de braves gens avec qui je me retrouve sur les piquets à discuter avec l'un et l'autre. C'est pas moi qui fais grève. Moi, je cotise aux caisses de grève avec mes camarades, comme vous le savez, mais ça ne peut pas aller plus loin que ça. Après, je tire mon front à l'Assemblée nationale. On va y venir, mais quand même, ça recoupe ce que disait Laurent Escure, le patron de l'UNSA, un des syndicalistes, un des syndicats réformistes. Il y a du bouche à l'oreille qui est en train de se faire sur les avancées qui avaient été mises sur la table, pendant que certains disaient non, il n'y a rien qui a bougé, et il faut faire le retrait. Et j'ai vu hier Jean-Luc Mélenchon participer à des assemblées générales de grève dans ses entreprises, rappeler à la grève générale, et les salariés se rendent bien compte que dans les autres secteurs d'activité, ce qu'on leur avait promis à la CGT ou avec Mélenchon d'un embrasement social n'arrive pas. Et finalement, ils se rendent compte aujourd'hui que pour certains, ils ont fait un peu grève pour rien. Sauf que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui remplit le frigo à la fin du mois, quoi. Oui, donc il dit, vous avez un peu... C'est une bassesse totale. C'est une bassesse totale. Alors donc, on n'a plus le droit de soutenir une grève. J'apprends donc par monsieur Escure. Laurent Escure. Oui, je l'ai connu quand il était gamin. Il était à la gauche socialiste et il était révolutionnaire. Il me trouvait trop mou. Hein. Je vois qu'il a bien évolué et curieusement. Il a la gueule en contre mais c'est d'une bassesse totale. Donc si je soutiens des grévistes, c'est moi qui vide le frigo. Non. Non. Celui qui vide le frigo, c'est celui qui fait durer la lutte, qui oblige les gens à de tels sacrifices. Le responsable, c'est Monsieur Macron. Et je suis désolé d'avoir à le rappeler à un syndicaliste qui se disait socialiste. Il y a quand même une idée qui tourne autour du fait que on vous a vu tous les jours sur un lieu, sur un entrepôt. Tous les jours, n'exagérez pas. Presque tous les jours. Souvent, disons. Souvent, ces derniers temps. Et on s'est dit, il a envie de se refaire une santé, et il a envie de parler à ses électeurs, peut-être de les convaincre de voter pour lui plutôt que pour Marine Le Pen, et puis de faire oublier un peu ses mésaventures des années précédentes, de l'année dernière. Non ? C'est curieux que vous n'imaginiez que les gens ne peuvent avoir... Oh, vous êtes un homme politique, allez. N'allez pas me faire croire que... Vous avez quoi ? Et alors, c'est une tare ? Non, pas du tout. Vous êtes journaliste, c'est pas une tare. Ben, c'est ça. Il y a des jours, on se demande, parce que... Comment vous osez me dire, je fais tout ça pour quoi ? Pour moi-même. Mais vous savez quel âge j'ai ? Ma vie est faite, madame. Je pourrais rester chez moi tranquillement. Je pourrais être à la retraite. Je suis dans la lutte. Je participe à leur vie. C'est ma raison d'être, c'est eux. Ce qui me donne du sens à ce que j'aurais fait toute mon existence, c'est ça. Alors voilà pourquoi j'y suis. Quant au reste, nous verrons, et nous verrons bien ce que ça donnera à la fin dans la mentalité des Français. Oui, parce qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'ils prennent des décisions politiques, moi aussi, mais c'est pas une nouveauté, j'ai pas besoin d'une grève pour ça. Non, ne détournez pas le sens de notre engagement. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction, et nous mettons nos actes en rapport avec nos convictions. On essaye de le faire aussi bien qu'on peut, voilà. Parfois, vous n'allez pas trop loin, je pense à une phrase... C'est vrai qu'on nous a accusés, nous journalistes, et moi je l'ai entendu, d'utiliser la phrase classique de prise en otage, alors qu'il y a des événements dramatiques, et de pas utiliser cette expression. Et je l'ai entendu comme journaliste, j'ai trouvé que peut-être que cette expression était trop violente. Vous, hier à Vitry, vous n'êtes pas allé de main morte, lundi. C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie et contre la démocratie sociale. C'est fort, quoi. C'est quand même un mot. Ah, mon Dieu, vous avez eu peur. Vous vous êtes regroupés en vous disant, mon Dieu. Vous vous fichez de moi ou quoi ? Mais non, parce que... Maintenant, c'est la tactique. Toutes les semaines, on prend un mot. Alors, attentat, d'accord ? Vous allez ouvrir votre dico, vous allez vous référer à vos œuvres. Et comme je l'ai dit l'autre jour à vos collègues, qui sont déjà venus me chercher sur attentat, il y a d'ailleurs une de nos camarades qui a gagné un pari, qui a dit, ça, c'est le mot de la semaine. Donc, attentat, c'est une manière de brutaliser un ordre particulier. Ça vaut dans le privé et dans le public. Pour ceux que ça intéresse, la littérature, il se trouve que je pensais à Cinna de Corneille, dans lequel il est question de savoir si le pouvoir est un attentat ou pas. Voilà. Attentat, ça veut dire que c'est une agression. J'ai dit, c'est une agression contre la République sociale. Oui, contre sa logique, contre la répartition qui en est le cœur. Voyez-vous, vous nous avez pris de très haut souvent en disant « vous faites des procès ». Moi, je vous ai toujours dit « il y a un agenda caché à la retraite à point ». L'agenda caché, c'est la capitalisation. On nous a dit « mais pas du tout, monsieur Mélenchon ». Regardez, c'est une par répartition. Or, dans la loi qui a été présentée au Conseil d'État, il y a un chapitre qui dit « il faut que la capitalisation se développe ». Et on traduit dans la loi le contenu d'une ordonnance qui renvoie à la loi Pacte, pardon, c'est un peu technique, dans lequel tout ça a été voté. Et quand ça a été voté, nous, les insoumis, nous avons dit, attention, alerte, c'est le fond du sujet, on est en train d'installer en France un régime par capitalisation. Et ça commence dans la loi, avec le fait que vous savez que tous les cadres supérieurs qui gagnent plus de deux fois le plafond de la sécurité sociale ne cotiseront plus à la sécu et n'auront plus de droits après. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, comme beaucoup de Français qui pensent à leur retraite, ils vont essayer d'acheter un petit logement, ils vont essayer de faire des économies, ils vont essayer de placer de leur argent et de faire de l'épargne, de l'assurance vie. C'est ce que vous appelez la capitalisation du système de retraite. C'est un peu ce que tous les Français font, essayent de faire. Déjà. Voilà. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez toujours raison, tout va bien, tout est parfait. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, aujourd'hui, les gens qui ont des retraites complémentaires, pourquoi en ont-ils ? Parce qu'ils en sont joyeux, ils adorent avoir des retraites complémentaires. Non, parce que leur retraite normale ne suffit pas à couvrir et leur permettre de récupérer leur niveau de salaire. Eh bien, demain, ce sera pire. Et ça va coûter, parce que les cadres supérieurs, on peut exciter la jalousie des gens contre eux, parce qu'ils sont à 10 000 euros par mois, mais ces gens-là rapportent au régime de retraite 4 milliards. Et la réforme va coûter, sur les années considérées, 72 milliards de trous dans le système des retraites. Alors, ne prenons pas cette terre évangélique en disant « Ah, oh, c'est tout le monde qui le fait déjà, donc ça continue ». Non, c'est un coup dur qui est porté contre le système de retraite par répartition. Et donc, dans quelques années, je ne sais pas qui sera sur ce plateau, on lui dira « Mais alors, s'il y a encore des gens qui défendent, on leur dira « Mais alors, vous voyez bien, c'est en déficit, il faut le financer autrement ». Donc, que se passera-t-il ? On dira « Tout le monde touche une petite retraite, et pour les autres, alors une petite, hein, 1000 euros, 900 euros, et puis pour le reste, chacun se paye ce qu'il peut. Eh bien, madame, premièrement, c'est injuste, y compris par rapport au cadre supérieur. Deuxièmement, c'est un mauvais coup contre l'économie, parce qu'il va falloir qu'ils cotisent plus qu'ils ne cotisaient pour le régime général, et donc ils auront moins de pouvoir d'achat, et donc l'activité économique tondra moins. Je vous en prie, il faut essayer de s'élever, non pas à l'addition des cas considérés, mais à l'intérêt général du pays. Comment on fait tourner pour que ça fonctionne ? Voilà. Eh bien, la solidarité, l'entraide est la méthode la plus efficace économiquement. Pas le chacun pour soi, par capitalisation. Bon, mais ce que, enfin, je ne vais pas donner la thèse du gouvernement qui dit qu'au contraire, cette réforme est solidaire. C'est quelque chose qui sera discuté au Parlement. Et d'ailleurs, vous voulez une motion de censure au Parlement avant même la discussion du projet de loi. Vos amis ou pas, d'ailleurs, vos collègues socialistes et communistes, ils ont dit tout de suite, non, on ne veut pas de motion de censure. Oui, vous savez, des fois, il arrive qu'on ait un débat de censure avant même que le gouvernement ait commencé la première mesure. Ça fait partie des droits de l'opposition de dire, nous sommes en désaccord total avec ce que vous êtes en train de faire, parce que la loi retraite a à voir avec beaucoup d'autres choses, et cet ensemble, nous sommes contre. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on n'a jamais vu une censure avant. Figurez-vous, Rutel-Krieff, qu'il y a pire. Il arrive que des fois arrive un texte à l'Assemblée nationale et que la première motion qu'on met en débat, c'est une motion de rejet. Donc c'est une pratique parlementaire tout à fait habituelle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on va écouter... Attendez, je peux quand même dire mon point. Pourquoi on fait ça, nous ? Parce que chacun doit être sur son front. Les gens sont dans la grève. Et ils ont besoin qu'il y ait des relais, que le débat soit continuellement nourri et que l'opposition au gouvernement se donne à voir. Ça veut dire qu'il faut qu'ils passent de la rue à l'Assemblée pour vous. Ça y est, la rue, c'est fini ? C'est fini, la rue ? Il faut maintenant aller à l'Assemblée ? Non, Rutel-Krieff, même au détour d'une phrase. Non, je n'ai pas dit la rue, comme vous dites, parce que... Non, la rue, c'est la manifestation. Oui, j'ai compris. Bon, déjà ne me faites pas penser que je le dis de façon méprisante. Mais je vous venez de dire à l'instant, pour vous, monsieur Mélenchon, la rue, c'est fini. Oui, il faut aller à l'Assemblée, c'est ce que vous dites. Mais madame, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée, on y est déjà. La lutte sociale a lieu. Il y a la démocratie, c'est en tout. Il y a la lutte sociale, ça participe de la démocratie. Donc il faut la continuer, la grève doit continuer. Mais c'est pas à moi la grève, elle appartient aux grévistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame Elkrier ? Depuis ce plateau, c'est moi qui vais décider de la grève des autres. Je ne peux faire qu'une chose, dire, vous avez choisi la grève, les gars, les filles, je suis avec vous. On cotise, et puis on mène la bataille sur notre front, le Parlement, avec la motion de censure. Alors, évidemment, on me dit, moi je vous cache pas que je suis tombé de l'arbre, je m'attendais pas à ça, hein. Des arguments pareils pour des parlementaires aussi chevronnés. Mais après, je me suis dit, j'ai été naïf, parce que c'est vrai que la présidente du groupe socialiste, on l'écoute, justement, on va l'écouter. Valérie Rabault. Nous, on dit non pour trois raisons. La première, c'est qu'une motion de censure, ça conclut un processus. La deuxième raison, c'est qu'à l'initiative du groupe communiste à l'Assemblée nationale, il y a un intergroupe parlementaire qui s'est monté, aussi avec nos collègues du Sénat, pour dire ce que peut être une réponse de la gauche à la réforme des retraites. Je constate que la France insoumise n'a pas souhaité y participer. Moi, je le regrette, parce que je pense que dans une démocratie, il faut toujours aussi pouvoir participer à une phase de proposition. Et enfin, les retraites, ça engage tout les Français. Et parce que ça engage tous les Français, on doit fournir ce travail, on doit fournir ces propositions. Et évidemment, si vous allez à une motion de censure, vous vous privez de toute cette phase-là. Donc c'est pour ça que nous disons non à la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, elle a expliqué pourquoi. Alors bon, je vous ai déjà répondu. Dire qu'une motion de censure conclut un débat, c'est une nouveauté absolue. Deuxièmement, elle dit, parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Des motions de censure ou des motions de rejet sur une loi, ça peut venir à n'importe quel moment. Deuxièmement, la réponse et les propositions, bon, ils ont fait un groupe de travail, nous de temps à autre on signe des choses. Oui, des mais vous n'êtes pas apparemment. Nous avons fait une proposition, je vais y venir, vous inquiétez pas. Nous avons fait une contre-proposition à propos de la loi retraite. On a fait une contre-proposition. Il y a donc un document qui a été remis à tous nos collègues. Donc si on veut connaître notre point de vue, il est parfaitement possible d'y accéder. C'est déjà une contre-proposition. La vérité, madame Elkrieff, c'est que nous nous débarrassons la pratique politique de l'hypocrisie et des faux-semblants. Madame Rabault est pour la retraite à points. Pourquoi elle ne le dit pas? Elle l'a dit dans le journal Libération. Elle dit, oui, la retraite à points, mais pas celle-là. Alors, c'est mi-chef, mi-chou, un peu, pas beaucoup, etc. Nous, c'est clair, on est contre, et on est pour revenir à un système par répartition, la retraite, et à, 60 la retraite ans, à 60 ans, et 40 annuités pour le financer. On a montré comment on le finançait. Alors, on peut maintenant nous dire, voici pourquoi vous vous trompez, et autres. Mais il ne faut pas dire, on ne sait pas ce qu'on veut. Si, on sait exactement ce qu'on veut, et on sait comment le financer. Mais je dis que l'attitude de Madame Rabault, alors après, les communistes, je n'ai pas compris pourquoi ils ont suivi, c'est peut-être parce que c'est parce la ligne de miel municipale. Ils veulent pas que vous soyez leur chef de file. Ils veulent chacun donner leur avis. Et ils veulent pas que vous les représentiez, en quelque sorte. Mais Madame, vous ne connaissez même pas la procédure, je vois. Nous avons déjà déposé 3 motions de censure ensemble, en commun. Donc quand vous déposez une motion de censure, tous les groupes ont la parole. Donc tout le monde a la parole, pas seulement moi. Et moi d'ailleurs, j'ai le dernier. Alors par conséquent, c'est pas pour moi que je fais ça. Donc chacun a la parole à tour de rôle, il n'aurait été privé de rien du tout. Tout ça, c'est de l'argutie. Mais le Premier ministre est interpellé, il vient, il s'explique, nous on lui explique globalement pourquoi on est contre, et on vote. Et ça veut dire que chaque parlementaire, individuellement, vous comprenez, est obligé de dire ce qu'il pense. Donc, il y a un certain nombre de gens qui se trouveraient mis au pied du mur. La République En Marche qui gesticule et qui font semblant d'être pour, d'être contre, on ne sait jamais ce qu'ils veulent, à la fin ils votent quoi? Ceux qui sont les Républicains, par exemple, peut-être qu'ils vont déposer une motion de censure, les Républicains. Mais peut-être à la fin. Peut-être au début, on la votera. De toute façon, je l'ai déjà dit. Oui, bien sûr, nous voterons une motion de censure. Mais je déplore que la gauche, en tout cas toute la gauche de l'hémicycle, ne puisse pas avoir l'initiative. Et c'est à ça qu'a abouti l'attitude de Madame Valérie Rabault, qui en plus, je trouve, dans cette circonstance, est extrêmement méprisante. Pourquoi aller à ce point contre les faits? Personne n'est interdit de parler, c'est le contraire. Tout le monde parle dans une motion de censure. Depuis hier, il y a une inflexion dans le discours du gouvernement sur ce qu'on appelle les violences policières. Certains disent des dérives individuelles d'une minorité. Vous dites une violence un peu systémique, entre guillemets. On va écouter Emmanuel Macron très rapidement. Il parlait pendant les vœux à la presse tout à l'heure et il reposait cette question. Je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui s'engage dans la police ou la gendarmerie pour être violent. Je pense qu'il faut remettre les choses au bon endroit et dans le bon ordre. Il y a une violence de rue qui s'est installée dans notre pays. Il nous faut évidemment non seulement la réprimer, la combattre avec beaucoup de clarté, la sanctionner à chaque fois qu'elle existe. Et je serai intraitable sur le sujet. Il nous faut aussi en comprendre les prémices, et ça c'est un travail politique, moral, sur notre propre pays. Je serai intraitable sur les violences qui s'installent dans la rue, et hier il a dit aussi qu'il serait strict et qu'il demandait le respect de la déontologie pour les policiers qui avaient fait des dérapages. Il était temps, parce que ça fait plus d'un an que ça dure maintenant. J'ai alerté, alors au début on disait qu'on était excessif, qu'on nous opposait comme s'il y avait la violence de la rue et la violence de la police, mais elle n'a rien à voir. Et je le redis au président de la République, bon déjà c'est bien qu'il ait dit ça peut pas durer comme ça. L'usage de la force dite légitime, c'est la force de l'État. Personne n'a jamais vu une société où on s'en soit passé. Par conséquent, si on veut que la violence, que la force reste au collectif, c'est-à-dire à l'État, il faut qu'elle soit appliquée avec mesure, avec raison, et qu'elle soit contrôlée en pensant que c'est un métier d'avoir recours à la force. Donc on ne fait pas un policier, quelqu'un qui passe, à qui on donne une matraque. Hein. C'est un métier. Et donc il y a aussi la nécessité pour les dirigeants de bien encadrer la pratique de ce métier. Dans le passé, je rappelle, et le journal Le Monde a très bien fait de republier la lettre du préfet Grimaud, qui s'adressait aux policiers en 68 en disant « Il y a des limites, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais je vous le dis quand même, je suis votre préfet. » Et moi, j'ai le souvenir ému de Bernard Delplace, dirigeant syndicaliste de la police, qui disait « Frapper un homme à terre, c'est se déshonorer ». Eh bien, les dirigeants doivent avoir la plus grande fermeté pour que les choses ne dérapent pas. Parce qu'on comprend que des hommes enfermés pendant, et des femmes enfermés pendant des heures... Pendant les images, pendant que vous parlez, oui, ils ont reçu des pavés, ils ont été agressés aussi. Oui, mais ce n'est pas pareil, écoutez-moi. Qu'il y ait de la violence, il y en a toujours eu. la maîtrise des événements. Là, vous montrez des images, pardon, mais... Oui, non, mais il y en a des deux côtés. Non, il n'y a pas deux côtés, arrêtez, il n'y a pas deux camps, il n'y a pas deux côtés. Il y a la police républicaine qui est la police du peuple, qui est là pour garantir la tranquillité, la paix. Ce ne sont pas des forces de l'ordre qui attaquent des gens, les nassent, leur tirent dans la figure. C'est pas ce qu'ils ont fait tous, quand même, ne me dites pas ça. Il y a eu des incidents, Ah, vous le reconnaissez. Bien sûr, mais où il y a des enquêtes, pardon. À l'inspection générale de la police nationale, il y a même... Ah oui, oui, d'accord. Enquête. Oui, oui, c'est bien ça, c'est très intéressant. Le résultat est toujours le même. Il n'y a pas de coupable, on ne sait pas qui c'est. Donc comprenez bien ce qui se passe. Il ne s'agit pas de dire, d'être dans l'alternative. Ou bien tous les flics sont inacceptables, ou bien on doit tout accepter. Non, il faut avoir le sens de la mesure dans l'usage de la force. Et donc il faut qu'on rappelle sans cesse les règles. Mais je pense qu'il y a maintenant un grand problème, parce que nous avons au moins un syndicat qui menace les juges, assiège un parti politique et tient des propos quasi séditieux à l'égard du ministre de l'Intérieur, qui est un syndicat de police, ça va trop loin. On ne peut pas accepter ça, enfin. Vous pensez, syndicat Alliance qui... Mais vous le comprenez ou pas? Oui. Ça va trop loin. Vous rendez compte qu'on en vient à dire c'est un comportement normal de tirer à bout portant? Ou ceux qui ont tiré en l'air, qui ont tué cette pauvre Madame Redouane là-bas, à Marseille, au quatrième étage? Enfin, c'est pas possible, ça. Donc, ce que nous voulons, c'est que on adopte des règles qui interdisent le recours à la force excessive. Le président de la République vient de dire « Je suis prêt à entendre les propositions ». Bah, c'est nouveau, parce que des propositions, on a déjà fait. Le député Alexis Corbière a déposé une loi contre l'usage des grenades de désencerclement et l'usage des LBD. La députée Danielle Obono a, il y a plus d'un an, déposé une loi pour interdire les plaquages au sort qui ont donné comme résultat désastreux la mort de ce pauvre homme, père de 5 enfants, parce qu'il est livreur, vous voyez. Mais tout ça est terrible, madame Elkrief. Ce ne sont pas des petites choses, c'est notre vie commune qui est en cause. Mais aussi, et dans le même temps, vous dites merci à ces policiers qui aussi défendent. Mais pourquoi vous faites ça? Oui, non, mais vous... Est-ce que le sujet, c'est de dire merci? Merci aux pompiers, merci aux infirmiers, merci aux docteurs, merci à vous, madame, qui m'interrogez, merci au monsieur qui met la lumière. Enfin, c'est pas le sujet. On parle de notre manière d'organiser la vie en société et de dire clairement que certaines choses, madame Elkrief, ne sont pas acceptables. Et elles le sont d'autant moins que certains incarnent la force publique. Madame Elkrief, quand les gens commencent à prendre peur des policiers, ce n'est pas une bonne chose. Dans un pays tranquille, on n'a pas peur. C'est dans certains pays qu'on a peur. Les gens ont peur. Je suis d'accord, mais c'était pas un pays tranquille à certains moments. Ce n'était pas un pays tranquille lorsque des manifestants étaient très agressifs dans madame, les rues. Mais madame, vous avez pour vous la force de l'oubli. C'est que, par exemple, si on se souvient de cette scène terrible qu'il y avait eu autour de l'Arc de Triomphe, tout le monde oublie ce qui s'est réellement passé. La vérité, c'est que des milliers de gens ont été pris dans une nasse et que ça ne pouvait que mal tourner. Que des gens ont été battus, roués coups au sol, nassés je ne sais combien de fois, tout ça est une violence totalement disproportionnée. Donc, la police doit être dirigée, elle doit servir et obéir, et c'est d'ailleurs l'idéal pour lequel des gens s'engagent dans la police. Là, le président de la République a raison, les gens ne s'engagent pas dans la police pour aller tabasser les gens dans la rue. Non, parce qu'ils pensent qu'ils ont une mission qui sert aux autres, et ils ont raison. C'est pour ça qu'on a une police républicaine. Et moi, à chaque fois, j'ai pas peur des mots. Quand ça va trop loin, j'ai pas peur de ce que vous allez dire sur votre plateau ou d'autres. Je dis, vous vous rappelez la scène que vous m'avez fait à propos de Barbare? On m'avait volé un mot dans un truc, j'ai dit, ah, faites attention, j'ai dit à un gars qui avait les cheveux blancs, courez pas devant, hein, c'est des barbares. Ah mon Dieu! Que n'avais-je pas dit? Alors aujourd'hui, quelqu'un va me dire, c'est pas de la barbarie d'avoir mis dans tel état les pauvres gens qui ont été énucléés, mutilés ou tant d'autres choses? Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. Ah oui, vous me dites merci. Merci. Vous voyez, il est loin mon pays, il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes au Mont-Paris, au Toulouse. Oh, Toulouse. venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu gagnes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air. Et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé au massif des Gascognes, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Je reste dans tes tripes, une bulle de jazz. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, des avions ronflent gros. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Oh mon pays, instants de la grève et de la mobilisation? Alors non, c'est pas les derniers instants de la mobilisation. Alors après, est-ce que des gens peuvent continuer la grève après plus de 44 jours sans salaire? Parce que concrètement, c'est ça qui est en train de se passer et c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas sûr, évidemment, puisque le gouvernement joue le pourrissement jusqu'à un point où les gens n'auront tellement plus rien à manger dans leur frigo qu'ils vont être obligés de faire autrement. Mais c'est pas parce que vous arrêtez la grève que vous êtes d'accord avec la réforme. Et pour le coup, ce qu'on observe depuis 44 jours, c'est que la majorité de la population population continuent à être contre cette réforme et que de nouveaux types d'actions se mettent en place. Notamment, on a vu des gens qui jetaient leurs outils et leurs uniformes de travail. On va en parler juste après. Juste pour préciser, les Français souhaitent l'arrêt du mouvement tout de même à 57%, même si, vous avez raison, 66% restent pour voilà. C'est la responsabilité du gouvernement. Je pense que la grève est justifiée. La grève se continue. Georges Marguenem, comment vous regardez cette affaire? Ça y est, c'est la fin de la grève? C'est pas si clair. On n'a pas de boule de cristal, mais il y a une contradiction qui est flagrante. C'est 54% des gens qui veulent que ça s'arrête et 66% qui sont pensent qu'elle est justifiée. Qui pensent qu'ils sont contre cette réforme des retraites, plus ou moins. Donc il y a bien quelque chose. Un paradoxe. Et que, oui, il y a un paradoxe et une contradiction qu'il va falloir éclaircir. Donc techniquement, la loi, elle peut passer. Non mais techniquement, mais est-ce qu'elle peut passer contre l'opinion à ce point-là? Est-ce qu'elle peut passer dans le développement d'un nouveau type de rapport de force? C'est plus forcément la comptabilité des manifs parisiennes et des manifs nationales, mais c'est la contagion, entre guillemets, à d'autres professions. Si effectivement il y a des contagions qui sont pas, disons, quantitatives, mais qualitatives par profession, les pompiers, les avocats, ou je ne sais quoi, etc. Là, il peut y avoir quelque chose. Donc, cette contradiction, c'est ça. Oui, ça va passer parce qu'à l'Assemblée nationale, etc., et puis que d'une certaine manière, on se rend compte que la CFDT, la sainte CFDT, c'est peut-être fait rouler dans la farine par Édouard Philippe. Voilà, donc alors, tout ça... Alors, vous lancez... Il y a quelque chose de malsain dans la respiration démocratique, à ce que techniquement cette loi passe dans une opinion qui est majoritairement 66% contre. On aurait rêvé les consensus de la libération où on avait la droite la plus étroite jusqu'aux communistes qui étaient d'accord pour les grandes lois sociales. Je poursuis avec ce que vous commenciez à évoquer avec la CFDT. Jean-Luc Benagnas, suppression de l'âge pivot, c'est ce qui était demandé par le syndicat réformiste. C'est bien joué pour Édouard Philippe? Non, très mal. Pourquoi? Très mal parce que personne n'y croit. Ah. Regardez dans les sondages. Il va revenir. De toute façon, il a dit que c'était provisoire. Hein. Je veux dire, le terme provisoire n'était pas totalement anodin. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est historique. Je n'ai jamais vu ça. Je crois avoir vécu beaucoup de mouvements sociaux depuis les années 70. J'étais trop jeune en 68. Mais après, ça allait bien, merci. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Moi, je veux bien que... Bien sûr qu'il y ait soufflement des grévistes. C'est par définition, 45 jours sans salaire, même si c'est pas 45 jours, il y en a qui ont pris un peu de congé, d'accord, très bien, mais c'est impossible, un mois sans salaire, puis à peu près un mois et demi, puis deux mois sans salaire, mais avec le 13e mois, impossible. Mais ce que je remarque, bon, je suis assez connaisseur j'arrive dans une manifestation à savoir à peu près, je suis plus proche des chiffres donnés par la préfecture, pas toujours, mais globalement, oui, il y a baisse, légère baisse. De la mobilisation. Légère baisse, non, à Paris. À Paris. Moi, ce que je regarde, c'est dans les villes moyennes. Quand je regarde ce qui se passe à Sarlat, quand je regarde ce qui se passe à Albi, je peux citer d'autres villes moyennes. Il y a 5000 personnes, il y a 6000 personnes. Puis là, c'est facile à calculer. Hein. On peut compter un par un. Donc, il n'y a pas d'erreur sur le chiffrage. Il y a quelque chose. Et tu as raison, Georges-Marc. Donc, la mobilisation est toujours là, d'après. Dans la France, le sentiment de devoir refuser cette réforme telle qu'elle est faite est total. Et ça pèsera extrêmement lourd dans les mois qui viennent. Ici, il y a un vainqueur, et si on pense que là, dans les semaines qui viennent, tu as raison aussi de dire que, bien sûr qu'elle peut passer à l'Assemblée nationale, ça coûtera très très cher. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, en grande partie, ne croient plus en tout cela. Donc, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Vous souscrivez je souscris à presque tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a, au-delà de la question des blocages des cheminots, qui eux ont eu les moyens de bloquer, ils ont eu les moyens de faire grève et peuvent pas le faire indéfiniment. Il y a quelque chose dans le pays de beaucoup plus profond. Je crois qu'il y a une révolte des classes moyennes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle, et c'est une crise politique. Donc, avec ou sans l'âge pivot, c'est du détail, c'est rien, ça. Avec ou sans, ça vient de avant même Emmanuel Macron. Réforme des retraites après réforme des retraites, réforme après réforme. On nous vend le progrès, c'est la régression. Donc je crois que c'est ça qui ne va pas. On est dans un modèle économique d'adaptation. Seulement l'adaptation, c'est toujours moins. Et je crois qu'il y a une grande incompréhension des classes moyennes qui travaillent et qui ne comprennent pas pourquoi leur modèle social est toujours réduit. Et qui se disent qu'il y a peut-être d'autres solutions que toujours nous faire payer. Donc il y a une grande insécurité là-dessus qui va, à mon avis, bien au-delà de la fonction publique qui a manifesté. Alors au-delà de supprimer l'âge pivot, il y a eu aussi cette main tendue avec cette conférence de financement, mais dites-le de panneau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu donner le bébé au syndicat, c'était malin de la part aussi du Premier ministre? Non, il y a un problème de démocratie, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Vous vous rendez compte que... Alors, il y a plus de la majorité de la population, de la moitié de la population qui est contre cette réforme. On va discuter un texte à l'Assemblée. Évidemment que ça va passer parce qu'ils ont une majorité absolue. Mais on va discuter un texte avec un tiers des décisions qui seront prises par ordonnance par le gouvernement. On parle même de rumeurs de 49-3, donc ça, on verra aussi. Mais un tiers par ordonnance et puis une conférence de financement qui aura lieu après le débat à l'Assemblée. Donc, il y a quand même un problème démocratique. C'est un texte à trous, c'est ça? Exactement. Il y a un problème démocratique de fond dans cette question-là. Donc, Il y avait une époque quand même, Giscard d'Estaing, le président, qui n'était pas du tout de notre famille politique, mais lui, il disait à peu près, il fallait 2 Français sur 3, 2/3 des Français qui soient d'accord pour passer une réforme. Là, on arrive dans un moment où, concrètement, quel que soit ce qui se passe dans le pays, quelle que soit la manière dont les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, par pétition, en marchant, en faisant des grèves, en faisant des actions pour aller manger les petits fours et boire le champagne des candidats de La République En Marche, quelle que soit la manière dont il l'exprime, ce gouvernement n'est pas écouté. Et pour le coup, la meilleure preuve, les gens ne sont pas écoutés. Et la meilleure preuve, quand même, c'est la grève des soignants depuis plus de 10 mois. Et on n'y a absolument rien. On va en parler. Vous voulez réagir? Non, la grève des soignants, oui. C'est quand je disais que c'était pas que les gens qui font grève traditionnellement. Il y a les avocats, les soignants. Donc ça dépasse. Et tout le monde voit bien que les soignants, c'est l'intérêt général qui est en jeu. On va en parler. Je reviens sur la conférence de financement. Moi, j'écoute bien ce qui se dit. Il faut que les syndicats et les partenaires sociaux aient négocié avant avril. Alors, il y a un sujet qui a déjà été débattu par les partenaires sociaux qui s'appelait l'assurance chômage. Mm-hmm. Ça avait duré beaucoup plus longtemps. Il n'y avait pas 2 mois ou 3 mois. Il y avait presque une année, si je me rappelle bien. Mais le gouvernement avait quand même repris la main. Bah, parce qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Alors, c'est ce comment voulez-vous aujourd'hui que des syndicats, que j'appelle pas, moi je ne les confonds pas, je ne dis pas il y a des syndicats réformistes, il y a des syndicats révolutionnaires, quand vous regardez le potentiel syndical dans le pays, c'est très diversifié. Moi, dire que Force ouvrière serait un syndicat révolutionnaire, alors là, bon, que okay, c'est... Ok, donc vous dites... Tous les syndicats... Toute formation syndicale, comment ils peuvent se mettre d'accord sur la conférence de financement? On ne trouvera jamais les 12 milliards. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne seront jamais d'accord ensemble. Ça n'est pas possible. Et donc, après, on arrivera à cette chose insensée, car sur les retraites, on n'y comprend rien. D'accord. Mais sur le chômage, on a bien compris, sur l'assurance chômage, il y a 1 million de personnes depuis début janvier qui se retrouvent avec 0 centime, alors qu'ils pouvaient toucher 200, 300, 500, 600 euros. Voilà. Donc, si on est là-dedans, et ça, que je le dise moi, n'a pas beaucoup d'importance, mais je crois qu'une grande partie de la population, ils ont compris que tout ça, il y avait derrière tout ça des... C'est pour ça que je suis sidéré de la façon dont ce gouvernement et le président de la République, qui est un peu en retrait, ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose à changer fondamentalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'inverse d'une partie de la population, même si les sondages... Ce sont les sondages, très bien, mais il y a tout ça. Et on n'en a pas encore parlé, mais parce que tout le monde l'a en tête. Un an, plus d'un an de gilets jaunes. C'est pas les mêmes personnes, mais ce phénomène-là, là encore, incroyable, quoi. Des gens, pas militants. Ouais. Qui manifeste toutes les semaines. Mais on n'a jamais vu ça dans le pays. Craque dans le pays, on va en parler tout de suite. Vous me faites la transition. Alors on l'a compris, hein. La réforme ne convient pas à la SNCF ni à la RATP, mais elle déplaît aussi, on vient de l'évoquer, à d'autres corps de métier qui décident symboliquement de rendre leur tablier. Les avocats jettent leur robe noire sur les pavés, les enseignants se débarrassent de leur manuel scolaire, et puis au-delà de la réforme des retraites, c'est aussi une colère plus profonde qui s'exprime à travers ces blouses blanches éparpillées dans le hall d'accueil de l'hôpital Saint-Louis. Oui, l'hôpital public va mal depuis longtemps et cette semaine, 1200 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service, ont collectivement démissionné de leurs responsabilités administratives. Deux d'entre eux nous expliquent leur geste. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « ça fait 15 jours qu'il est là ». Il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. On fait les économies là où il ne faudrait pas les faire, et on ne les fait pas là où il faudrait les faire. Hein, sur les prescriptions inutiles, les actes inutiles. Hein, la France a un système prescriptif coûteux, comme les pays riches, mais sur lequel on pourrait faire des économies. Mais non, on fait des économies sur le personnel. Bon, et bien donc ça casse. Georges-Marc Benhamou, comment vous comprenez ce ras-le-bol de tous ces corps de métier? C'est pas des excités, hein. Ah non, loin de là. Pas vraiment. Moi, j'aime un copain, un prof de médecine à Bordeaux, en neurologie, qui me dit, il y a 6 mois, pour l'instant, ça se voit pas. Il y a 6 mois, il vous disait ça? Ça se voit pas. C'est-à-dire, mais le jour où il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des services où il n'y a plus de médecins, etc., il y a des caches-misères. Et là, il n'y a plus de caches-misères. Moi, j'ai l'impression, il ne s'agit pas que peut-être cette histoire de retraite a ouvert une boîte de Pandore. Mmh. Là, il y a un vrai sujet sur le salaire des enseignants, parce que 90 euros, ça suffira, etc. Oui. Il y a un énorme problème sur les soignants. On voit bien, enfin, les infirmières ou grands professeurs de médecine les plus institutionnels. Donc là, est-ce que le craquement du pays n'est pas là? C'est assez inquiétant. Avec une contradiction, c'est vrai qu'il n'y a par ailleurs pas d'argent. Donc, oui. On va essayer d'approfondir justement, Mathilde Panot. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que tout est en train de se fissurer dans le pays? On est dans une période propice à toutes les colères? Oui, en tout cas, on est dans une situation, et c'est quand même ça qui est assez incroyable, la France est un des pays les plus riches au monde. Et pourtant, la France n'arrive plus à répondre aux besoins essentiels de sa population. Les besoins essentiels, c'est se loger, c'est se nourrir, c'est être éduqué, se soigner. Et c'est quand même délirant d'en arriver à une situation comme ça, d'autant plus quand on apprend il y a quelques jours que les actionnaires du CAC 40 se gaffent comme jamais, quand on sait qu'un salarié en moyenne travaillait 9 jours gratuitement par an en 1980 pour les actionnaires et qu'aujourd'hui on en est à 45 jours, donc on est un partage de la richesse qui est complètement déséquilibré. Et donc il y a un problème de fond. Et pour le coup, cette réforme des retraites, elle ouvre aussi la question de savoir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un monde où concrètement ça va être chacun pour soi, ceux qui auront un peu d'argent, ils pourront aller vers les fonds de pension, qui d'ailleurs les engraissera bien comme il faut, et avoir un niveau de vie à peu près digne, et puis tous les autres, ils vivront dans la pauvreté. Et pour le coup, on peut faire autrement et trouver de l'argent. Si on crée 100 000 emplois, parce qu'il faudra en créer beaucoup plus dans la transition écologique et solidaire, si on crée 100 000 emplois, on récupérait déjà 1,3 milliard dans les caisses. Si on augmentait de 1% les salaires, on récupérait 2,5 milliards. On peut trouver de l'argent et faire autrement. On va approfondir. Et on va le faire, Mathilde Panot. Mais d'abord, Alexandre Devecchio, là, vous sentez vraiment que le pays est en train de se fissurer partout? Ça fait longtemps, Jérôme Fourquet a fait l'archipel français, on le sait, Jaunes, Christophe Guy, lui, a fait la France périphérique, les Gilets jaunes, ont montré au grand jour ce que beaucoup de gens sentaient. La question, est-ce que tout est soluble dans le marché? Est-ce que l'hôpital, ça va être soluble dans le marché? Est-ce que l'enseignement? Donc, et il y a aussi la question, je le disais, des classes moyennes, des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qu'on en marre de payer, de voir leur statut réduit. Et moi, je pense que le politique aujourd'hui, lui, devrait dire stop, on va faire des économies, mais on touche plus à ces gens-là, on les laisse tranquilles, c'est la colonne vertébrale de la société, et on va trouver de l'argent ailleurs, et on va trouver des solutions ailleurs. Et quand même, le problème sur les retraites, qu'est-ce que c'est? Il y a deux problèmes à terme. C'est l'emploi. Mm-hmm. Si on relance l'emploi massivement, on rééquilibre une partie du système. Et il y a la démographie. C'est ça, les deux vrais enjeux. Et ils ne sont pas du tout abordés. On fait une politique de comptable. Et je crois qu'il faut sortir de la politique de comptable. C'est ça, politique comptable, Jean-Luc Benhamias? Je vais vous répondre à autre chose. Vous m'excusez. Vas-y. Ces jets de blues, ouais. Là où je regarde les choses signifiantes, excusez-moi. Les images, bien sûr. Jamais on a vu ça. Ce ne sont pas des militants. Tu l'as dit, Georges-Marc. On n'est pas face à des gens, mais... Dans le domaine de la santé, Mathilde, là, je pense que vous l'avez vu aussi, ils sont pas totalement ils veulent pas totalement être mélangés, un peu comme les pompiers avec les grèves par rapport aux retraites, mais ils sont quand même mobilisés. C'est massif. J'ai jamais vu une période des vœux. On les voit d'ailleurs à l'image. Où les vœux dans tous les... Enfin, c'est pour le directeur. C'est ça, l'insurrection des vœux. Tout le monde en a profité. C'est pour être directeur et directrice qui voient arriver devant eux. Puis alors, il y en a qui savent faire à peu près parce qu'ils ont un peu d'expérience. Il y en a qui sont complètement... qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a devant toi des gens qui sont en révolte. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il faut faire... Il y a un moment donné, il faudrait dire stop. Et je le dis quand même, à un moment donné, dans n'importe quel pays européen, j'étais député européen pendant 10 ans, je pense qu'on serait passé aux élections législatives, parce qu'à un moment donné, il faut dire stop par rapport à cette société terriblement divisée et dire, non, passe au vote. Stop à l'hémorragie, comment on fait alors avec un vote, avec quoi? Bon, pourquoi pas faire un vote, effectivement. Mais déjà, la première des choses, c'est qu'il faut reculer sur la réforme. C'est ce que demandent les gens qui sont dans la rue, c'est ce que demandent les gens qui font grève. Et on retire la réforme et on rediscute. Parce que pourquoi c'est un geste symboliquement très fort, ce qui est en train de se passer, de jeter son uniforme et ses outils de travail? C'est de dire, bah, puisque vous êtes si fort, puisque vous ne nous entendez pas depuis des mois et des mois, parce que quand même, on est dans une démocratie, où vous avez raison de le redire, depuis un an et demi, le peuple est dans la rue, alors dans ses diverses composantes. Mais depuis un an et demi, c'est très très long, avec une absence de réponse qui est absolument sidérante. Et donc, c'est aussi une manière de dire, puisque vous êtes si fort, bah faites sans nous. Et débrouillez-vous. Et de montrer que celles et ceux qui font la France au quotidien, bah, c'est justement ceux qui sont en train de se mobiliser aujourd'hui. Alors, certains corps de métier, justement, dans ce système de retraite, pourront sauver leur caisse. Notamment, je pense aux avocats, à certains pilotes, aux pilotes aussi, tout simplement. C'est quoi? C'est plutôt une bonne... Voilà, c'est une manière de les protéger un petit peu. Les gens ne comprennent plus rien. Il y avait 42 régimes spéciaux. Voilà. Moi, je suis largué. Non, bon, mais vraiment... Vous supprimez 42 régimes spéciaux, mais on garde certaines caisses. On dit on ne fait pas d'exception, on ne fait que des exceptions, puis on va négocier. D'abord, on lâche quoi? On lâche d'abord aux policiers. Oui. Et plus aux gendarmes. Et alors après, voilà. Ça, les policiers gueulent. Non, mais c'est ça. Il y a quelque chose là qui va pas, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les analyses économiques, hein. Je pense que y a la grande contradiction, et là où on attendait l'imagination sociale et économique d'un Macron qui aurait été un rocker contemporain, c'était avec ces contradictions qui sont quand même... on est le pays qui, au monde, par rapport au PIB, dépense le plus pour ses services publics. 57%. Le pays au monde, loin devant la Suède dont on se moquait jadis, qui a le plus d'impôts, pour aller vite, 47%. Et malgré ça, ça marche pas et ce pays se décompose socialement. Qu'est-ce qui marche pas alors? C'est pas l'argent, c'est peut-être la manière dont il est distribué, c'est peut-être l'organisation, c'est peut-être l'imagination sociale, c'est peut-être que quand on fait un grand livre blanc de la sécurité, on associe les flics, on fait pas ça en chambre avec des préfets qui sortent de l'ENA, c'est peut-être consulter, rompre avec la technique, disons la loi Bachelot, qui consiste à mettre que des gestionnaires à la tête des hôpitaux et à virer les médecins, enfin faire une politique humaine, et non pas bonapartiste. Et technocratique. Oui, technocratique plus que Bonaparte. La gitan m'a prédit tant d'alcool et de femmes à coucher dans mon lit. Que ça ferait un drame avec ma légitime. La ligne de mon cœur va comme un fleuve en crue, où des filles en fleurs aiment se baigner nues à mes joies maritimes. Et j'irai me perdant à leur tendre océan, comme ces marins qui n'en repartirent plus, ou ces peintres maudits que les dieux ont élus. Moi, les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Un gitan m'a prédit la fortune et la gloire. Le jour où mon génie entrerait dans l'histoire, quand sonnera mon heure. Ma ligne de succès va comme une rivière qui partit des sommets, descend jusqu'à la mer, vers des aubes meilleures. Et j'irai en héros au milieu des bravos, comme ces peintres morts qui ne les eurent pas, ou ces marins au port pour qui sonne le glas. Moi qui n'aime que moi et les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Un gitan m'a prédit tout ce dont vous rêvez, de l'argent, des amis, des femmes à mes pieds, sans la moindre décence. chance. De ma ligne d'amour, il ne m'en a rien dit. Et comme alors le jour se levait sur Paris, il y eut un silence. Nous nous sommes saoulés pour fêter le passé, comme ces marins qui revivent leurs 20 ans, ou ces peintres guéris qui perdent leur talent. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit, qu'un gitan m'a prédit. Avait collaboré avec les Allemands et se trouvait donc en position de faiblesse par rapport aux nouvelles élites qui sortaient de la résistance, et parce qu'il y avait un parti communiste puissant. Dans ces conditions-là, il a fallu quand même un ensemble assez copieux de transformations radicales. La nationalisation de grands pôles industriels et de grands pôles énergétiques, une législation sociale très étendue, la sécurité sociale, etc., une revalorisation des salaires, et un protocole concernant les retraites généreux, finalement, du point de vue... Donc vous vous dites, n'oublions pas comment ce système est né, même si on est 80 ans après aujourd'hui. Ben, exactement, n'oublions pas comment ce système est né, et ne le traitons surtout pas à la légère de protocole conservateur. Il a été, dans les conditions de l'époque, un protocole de transformation radicale de bien des choses de l'univers social français, et en réalité nous avons vécu là-dessus pendant des décennies, avec des réformes, des petites transformations, des améliorations dans certains cas, des rajouts, ça a été le cas des deux premières années du gouvernement Mitterrand par exemple, et on avait, je le rappelle aussi, dans cet ensemble, on avait l'existence de forces politiques organisées qui étaient capables de le porter, de le défendre et de le transformer. Alors nous sommes dans des conditions complètement différentes, et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Il faut voir les choses avec un peu d'ensemble. Ce qu'on cherche à faire, c'est revenir sur ce pacte social qui a plusieurs décennies et de le transformer de telle sorte que nous soyons alignés, en réalité, sur des protocoles tout à fait différents qui, grosso modo, sont les protocoles anglo-saxons et américains concernant les problèmes en question. Mais il l'a dit, le député Paul-Emmanuel Macron, hein, c'est la répartition. Ça reste de la répartition. Oui, oui, absolument. Mais d'une certaine manière, tout ceci est largement une imposture, parce que le côté réactif et conservateur et du côté des libéraux, naturellement. C'est une réaction qui tente de nous ramener, en réalité, aux paramètres politico-économiques du 19e siècle. Alain Badiou, vous êtes un intellectuel très dur avec les syndicats. Vous les comparez à des partis politiques et vous rejetez, en gros, globalement, les deux. L'an dernier, avec le mouvement des Gilets jaunes, on pensait que les syndicats étaient hors-jeu, pour un petit moment. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qui sont utiles pour défendre les droits des salariés, je m'incline toujours devant les faits. Je n'ai jamais pensé que le syndicalisme en lui-même était inutile ou néfaste. J'ai souvent considéré qu'il jouait un peu trop le jeu des tendances dominantes. Ça, c'est un fait. Y compris les syndicats qui... Personnellement, je considère que l'affaire de la de l'année 64, pour tout vous dire, a été une comédie montée par la CFDT et par le gouvernement. Pourquoi une comédie ? C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il est bien connu dans ce genre de situation qu'il faut mettre un point d'excès quelque part, de façon à pouvoir le retirer et dire qu'on a négocié. Mais celui qui a introduit un point d'excès sur l'affaire, c'est évidemment le gouvernement avec son affaire parachutée à un moment donné, dès 64 ans, et à partir de là, la CFDT peut espérer tirer les marrons du feu du réformisme et de la négociation en faisant retirer ce qui a été mis pour qu'elle le retire. Voilà, c'est ça que je pense. Thomas. Bon, en tout cas, le mouvement social actuel, quoi qu'on en pense, a obtenu des résultats, alors peut-être, selon vous, un peu réfléchi d'entrée, mais enfin bon, on l'a vu, un peu bien en scène, selon vous, en tout cas. Mais en tout cas, ce mouvement social, ce qui est intéressant, c'est que dans sa méthode même, il est assez hybride. Parce qu'il y a une hybridation qui combine deux cultures syndicales qui habituellement ne cohabitent pas ou très peu. La première, vous avez depuis près de 40 jours, vous l'avez dit, 39 jours, la tradition de la lutte ouvrière, vous avez beaucoup évoqué le 19e siècle dans cette émission, née à la fin du 19e siècle, qui repose, on le voit ici, sur le bras de fer, qui peut être très long, avec la grève reconductible comme modèle, et l'occupation d'usines, on a vu, des formes d'occupation, d'entrepôts, de raffineries, donc c'est un modèle très ancien. Et puis, d'un autre côté, on a aussi la tradition de la lutte des fonctionnaires, née, vous l'évoquiez aussi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui privilégie davantage les journées d'action. On le voit ici avec les professeurs après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, dans la rue, une journée, pour faire plier le gouvernement. Et là, on a eu les deux, parce qu'on a eu ce long mouvement de grève reconductible, et puis des journées, comme ça, qui ont émaillé cette période. Et c'est peut-être les deux, au-delà de ce que vous pouvez aussi évoquer en termes de complot entre les uns et les autres, qui peut expliquer comment le gouvernement a pu céder. Allez, si vous nous rejoignez dans ces un mot... Oui, je voulais dire sur le fond du problème. Ce que je pense, moi, c'est que non seulement il ne faut pas s'opposer aux statuts spéciaux, aux normes sociales, mais qu'il faut qu'il n'y ait que des statuts spéciaux. Ah, il faut qu'il n'y ait que des régimes spéciaux. Mais bien sûr, parce que la question de la retraite dépend d'un certain nombre de paramètres qu'on peut tout à fait énumérer et que les autorités chargées de distribuer les retraites, quelles qu'elles soient, peuvent parfaitement considérer. Début de la... de l'âge du travail, pénibilité, nature intrinsèque du travail, état de santé, tout ce que vous voulez. Et on devrait avoir des paramètres tels que la retraite de chacun puisse être rationnellement la même que les autres, non pas parce qu'elle est égale financièrement, mais parce qu'elle correspond à ses besoins. Je suis pour le mot d'ordre à chacun selon ses besoins. Une nouvelle idée dans le débat, mais je ne suis pas certain qu'à Matignon, on la retienne ce soir, Alain Badiou. Allez, si vous nous rejoignez, nous sommes avec Alain Badiou et nous vous proposons maintenant un document exceptionnel pour Brut et pour ses politiques. Notre reporter Charles Villa a pu se rendre pour ces deux médias en Syrie, dans les fameuses prisons et dans les camps pour djihadistes. Maison 9h vient de sonner, la maman gronde sa fille qui vient d'entrer, qui lui répond, il est pâle, un peu ivre, quoi j'ai 20 ans, je m'amuse, je veux vivre, la mère a peur, c'est pas la première fois, qui rentre ainsi, l'œil méchant, l'air narquois, qui fréquente-t-il sur ma dé, pas grand chose, de mauvaises femmes peut-être hein, sont la cause. Agir, elle le sait orgueilleux, pour le punir, lui dit malheureux. Tu n'es jamais qu'un employé, un train de misère, un salarié. Malgré tes habits du dimanche, tes joies et tes mains blanches, pour jouer aux riches, il faut de l'argent. Si tu veux sortir de ta rang, sans devenir rien qui vaille, travaille. Eh bien, main grande et rare comme les beaux jours, ta mère le soir t'enferme à double tour et te laisse faire, t'as donc pas d'énergie. Les vieux vois-tu, ça comprend pas la vie. Gabi la blonde, une fille aux yeux bleus, viens l'embrasser et les yeux d'un les yeux. Lydie tout bas, veux-tu de moi pour maîtresse, et t'auras tout, le luxe et la paresse. Reste avec moi, laisse dire les jaloux, si te t'en vas, si t'écoutes les fous, te restera un employé, un indemniser un salarié malgré tes habits du dimanche, tes joies et tes mains blanches. Si te veux vivre sans argent, sans jamais sortir de ton rang, pas d'un que les antifons y parlent. N'a pas 20 ans, il joue aux courses, va dans les restaurants, dans les dancing, on l'appelle le vieux gosse, mais y a des soirs où ça fatigue la noce, et puis un jour son cœur y est en émoi, il aperçoit un copain d'autrefois, bonjour ça va, mais l'homme tourne la tête, en lui disant je connais des gens honnêtes, il accompagne des larmes montent à ses yeux, chez sa maman il croit très malheureux. Je ne serai qu'un employé, un train de misère, un salarié, malgré ma costume du dimanche, mes joies et mes mains blanches. Non, je veux pas ma vieille maman, que te rougisse de ta enfant, pourtant est un rien. Force de l'ordre juste avant la scène, puis l'attroupement autour de l'homme à terre, et enfin l'exfiltration du blessé par les policiers. Il y a beaucoup de policiers qui sont restés autour et pas mal de gens, des casques blancs ou des t-shirts blancs qui sont arrivés. Ils ont commencé à mettre un bandage autour de la tête, à s'occuper de la personne. Selon ce syndicaliste, le policier répondait à la violence du manifestant. Il faut bien remettre les choses dans le contexte. C'est un individu violent qui n'a pas hésité à jeter des projectiles en verre, notamment sur mes collègues. Et lorsque on tente de l'interpeller, lorsque mon collègue tente de l'interpeller, cet individu n'hésite pas à cracher du sang au visage de mon collègue. Une enquête judiciaire et une enquête administrative ont été ouvertes. Mardi dernier, Emmanuel Macron appelait les forces de l'ordre à l'exemplarité. Près d'un millier de sapeurs-pompiers étaient dans les rues de Strasbourg. La pauvreté ralentit, elle est désormais deux fois moins rapide qu'en 2013. Près de 3,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vit toujours avec moins de 5 dollars par jour. Et comment évolue la situation si on se concentre exclusivement sur la France ? Alors là aussi, les plus fortunés s'en sortent relativement mieux que l'ensemble de la population. Les 10% les plus riches possèdent la moitié des richesses du pays, avec une très nette progression encore plus visible chez les milliardaires. La France en compte aujourd'hui 41, c'est-à-dire 4 fois plus qu'après la crise financière de 2008. Notez que parmi eux, seuls 5 sont des femmes. Et pour Oxfam, l'augmentation des inégalités dans notre pays s'est accélérée en 2 ans. En moyenne, les milliardaires français se sont plus rapidement enrichis que leurs homologues américains ou chinois, alors que dans le même temps, 400 000 personnes pauvres supplémentaires ont été recensées en France. Une façon pour Oxfam d'expliquer les fractures qui apparaissent aujourd'hui entre Français. Merci beaucoup pour ces explications, David Boëry. L'impact de la grève contre la réforme des retraites, qui a débuté le 5 décembre, ne devrait pas excéder 0,1 point de croissance sur un trimestre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. La grève qui dure 47e jour aujourd'hui, même si on peut noter pour la première fois une nette amélioration à la RATP. Les conducteurs du métro parisien ont voté en majorité la suspension du mouvement à partir d'aujourd'hui pour s'engager, disent-ils, sur une autre forme d'action. Noémie Lambert et nos équipes en région. Un métro qui part et un trafic quasi normal ce matin. Après un mois et demi de grève, les usagers de la ligne 9 sont soulagés. Un stress en moins, parce que quand on ne peut pas rentrer dans nos RER ou dans nos métros, c'est sûr que c'est stressant. C'est stressant parce qu'on arrive en retard, on rentre chez nous à pas d'heure. La fatigue commençait à se faire sentir. Pour certains, il était temps que ça se termine. Le matin, je prenais un taxi parce qu'il n'y avait pas de métro. Ça vous coûtait combien ? 22 euros en moyenne. Des trains réguliers, pas de file d'attente sur le quai. Ce lundi sonne peut-être la fin de cette grève inédite. prends les transports depuis que je bosse, c'est-à-dire depuis 17 ans. Et c'est la première fois que je voyais la queue jusque dans les couloirs du métro en tant que grèveur. Moi, je trouve que ça a été beaucoup de problématiques pour nous, pour pas grand-chose, puisqu'au final, ça va s'arrêter, on est sur la fin, et il n'y a pas eu grand-chose d'obtenu, donc je pense que ce n'était pas la bonne manière. Voilà. Hier, l'UNSA RATP a appelé à suspendre la grève illimitée jusqu'à la présentation du projet de loi en Conseil des ministres vendredi. On a conscience qu'au bout de 47 jours aujourd'hui, nos collègues ont des problèmes financiers. On en a entièrement conscience, donc déjà, on veut remobiliser pour le 24 janvier et la prochaine journée Interpro. Et on veut continuer à faire des modes d'action qui seront peut-être différents. Une décision contestée ce matin par les syndicalistes CGT de ce dépôt de bus parisien. Pour eux, pas question de reculer maintenant. C'est contre cette trêve. Il n'y a pas de trêve. On avait commencé vraiment un débat pour dire on recule pas, on recule pas. On sait que vendredi, il y a le projet de loi qui doit passer. Au moins, ils doivent en discuter. On aurait dû au moins tenir jusqu'à vendredi pour voir ce qu'ils proposent. À Paris aujourd'hui, seules les lignes 3, 4, 5 et 13 restent perturbées. Et c'est une nouvelle qui fait la une du quotidien Midi Libre. Regardez, les cartes rebattues. En effet, Clotilde Ollier, celle que les sondages donnaient favorite dans la région, et jusqu'à présent n'est plus la candidate des Verts. Les écologistes Europe Écologie, les Verts, ont retiré leur soutien à leur tête de liste, qui selon eux a multiplié les faux pas. Caroline Mott, Valérie Astruc et Émilie Denis. Bonjour, pour l'écologie à Montpellier. Sa campagne électorale était très bien partie. Clotilde Ollier avait toutes les chances d'accéder au fauteuil de maire de Montpellier. Et pourtant, cette infirmière engagée, militante à la CGT, ne portera pas les couleurs d'Europe Écologie Les Verts au municipal. Décision du bureau exécutif du parti. Nous avons constaté effectivement dans les dernières semaines qu'il y avait de plus en plus de décisions dans cette campagne qui étaient prises de manière isolée, sans concertation. Et pour Montpellier, pour l'écologie, il nous a semblé en responsabilité qu'il fallait remettre du collectif dans cette campagne. En clair, on lui reproche une attitude trop individualiste et surtout trop proche de certains élus de la France insoumise. Autre raison de cette éviction, le choix de Clotilde Ollier de se séparer de son directeur de campagne, Manu Reynaud. Pour le secrétaire national du parti, c'en est trop. C'est aussi un message envoyé aux électeurs et électrices. Il ne s'agit pas de gagner des élections à n'importe quel prix, il s'agit de transformer nos villes. Clotilde Ollier avait remporté la primaire organisée à Montpellier en octobre dernier. Son adversaire malheureux, Jean-Louis Roumégas, aujourd'hui à la tête d'une liste indépendante, se félicite que les cartes soient rebattues. On était tombé dans un cartel de partis politiques qui venaient récupérer l'intérêt de l'écologie par l'opinion. Il faut maintenant vite trouver une solution positive. Et pour moi, la seule solution positive, c'est la réunification. Alors qui pour s'opposer au maire sortant d'hiver gauche Philippe Sorel? Les militants écologistes se réuniront le 3 février pour en décider. Clotilde Ollier, elle, s'exprimera ce soir à 18h. La suite de notre série Passionnément maire. Aujourd'hui, on vous présente Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges, un village de plus de 300 habitants où les générations se mélangent grâce notamment aux initiatives de l'élu. Karine Chouchana et Alexis Delcourt. Michel Fournier fait battre le cœur de son village depuis 30 ans. Les Voivres, une commune de 340 habitants nichée au pied des Vosges. La désertification menace, le maire se bat de toutes ses forces. Il faut être déterminé, il faut souvent être courageux, je pense que c'est le mot qui convient. Le maire en particulier, c'est lui quand même qui va faire en sorte que tout rayonne autour de ses administrés et à l'intérieur de ses... C'est une grande famille, en fait. Et on a une responsabilité... C'est ma conception, hein. On a une responsabilité de chef de famille. Pour faire revivre son village, le maire a eu une idée folle. Faire d'un ancien corps de ferme une couveuse de start-up. 3 ans d'accompagnement et une bourse de 500 euros mensuels pour les entrepreneurs en herbe. Lucie Devoile se lance dans la cuisine écologique. Dans ce petit écrin de modernité, on partage des bureaux, mais pas seulement. Dans ce village, c'est que finalement, on est tous liés par des liens d'amitié maintenant. Et c'est assez, enfin, c'est vraiment, super parce que, voilà, on se retrouve, que ça soit pour le travail ou dans le cadre de la vie personnelle, pour échanger autour de plein de sujets, de projets qu'on a envie de monter ensemble, d'idées, de rêves un peu fous qu'on voudrait mettre en place dans le village. Cette couveuse, Emmanuel Macron l'avait inaugurée il y a 2 ans. Il était venu au Voivre à l'invitation du maire. C'est-à-dire, il était là. Voilà. J'étais donc là et lui était là. Cet homme qui murmurait la ruralité à l'oreille du président. La forêt, on s'est arrêté. Je l'ai arrêté, je lui dis, président, taisez-vous, écoutez. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Chut, chut. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Chut. Vous entendez les oiseaux ? Il fait bon ici quand même. C'est bien là. C'est merveilleux. Il dit, ah oui, ça fait du bien. Ça s'est passé ici. Il y a 4 ans, d'autres jeunes sont arrivés au Voivre. 5 copains y ont installé leur usine. Ici, on fabrique des skateboards et des lunettes en bois. Aujourd'hui, l'entreprise compte 13 salariés. Elle s'est développée avec le soutien de Michel Fournier. Pour moi, c'est un peu une locomotive. C'est facile de le suivre. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vision des choses et qui sait mettre les moyens pour y arriver, et puis qui sait entraîner des personnes derrière lui aussi. On constate aussi les difficultés qu'il peut y avoir à être en zone rurale, et donc ça devient aussi, bah, pour nous, quelque chose qu'on a envie de défendre, quoi. Je peux vous piquer les épices ? Dans la couveuse, l'heure est à l'atelier cuisine, autour de Lucie. Les trentenaires se mêlent aux anciens du village, échangent leur savoir-faire, et pour la dégustation, ils ont invité le maire. Bah... Un mec, quand il revient comme ça, il faut que ça soit prêt. C'est presque prêt, mais tu vas nous aider, à finaliser. Ils font partie des voivres de demain, mais les voivres sont aussi d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Ça veut dire aussi qu'il y en aura certainement d'autres qui viendront. Moi, je trouve que de nouveaux habitants venus repeupler le village et le redynamiser. Leur dernier projet, cette galerie d'art. Et un message plein d'espoir, l'avenir est aussi à la campagne. L'Espagne en alerte rouge avant l'arrivée. Une blessure au cuir chevelu. Alors vous le savez, depuis ce week-end et la diffusion de ces vidéos amateurs, une enquête judiciaire a été ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête confiée à l'IGPN. Et vous l'avez dit, ce matin, on a appris que 3 policiers ont également déposé plainte contre ce manifestant. Le policier filmé lui-même sur les vidéos amateurs a déposé plainte, notamment pour violence volontaire, parce qu'il accuse le manifestant de lui avoir craché du sang dans la bouche. Plusieurs enquêtes ouvertes, donc, qui devront faire la lumière sur ces violences du policier, mais aussi du manifestant. Enfin, dernière information, on vient de l'apprendre de sources proches du dossier. La garde à vue du jeune homme a été levée ce matin. Il devrait donc être déféré au parquet dans les prochaines heures. Merci beaucoup Clément Le Goff pour toutes ces précisions. L'actualité à l'étranger à présent et elle est... Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. une sonnerie de téléphone qui retentit jusqu'à 10 fois par jour. Oui, allô ? Au bout du fil, des démarcheurs qui viennent troubler la paisible retraite de Marc Chauvet. C'est vraiment une intrusion, un harcèlement qu'il faut arrêter absolument. D'après une association de défense des consommateurs, chaque foyer est appelé par des vendeurs 4 fois par semaine en moyenne. Et pour près d'un Français sur deux, c'est même tous les jours. Depuis 2016, l'État a mis en place le dispositif Bloctel, un service d'opposition au démarchage par téléphone. Marc Chauvet s'est bien inscrit sur cette liste, mais les appels abusifs continuent. Il a donc décidé de tous les signaler à Bloctel. Alors ça, c'est tout le détail des réclamations que j'ai pu faire. À Bloctel. À Bloctel. Et là, il y en a combien ? 73 réclamations à ce jour, entre avril et aujourd'hui. De nombreuses réclamations qui mènent parfois à des sanctions. En 2019, 77 entreprises ont été condamnées pour un montant total de 2,5 millions d'euros d'amende. Mais les services de l'État l'avouent, le système a ses limites. Il y a énormément d'usurpation de numéros de téléphone de la part des démarcheurs. Vous avez un numéro qui s'affiche sur votre téléphone, c'est pas nécessairement le vrai numéro de la personne qui démarche. Donc ça complexifie nos enquêtes. Pour les associations de consommateurs, le dispositif ne va pas assez loin. Ce matin, elles ont lancé une pétition. Elles réclament un changement radical. La solution pour assainir le secteur du démarchage téléphonique, c'est de passer à un système de consentement express préalable. La logique, c'est en principe, je ne dois pas être démarché, sauf si j'ai donné mon consentement à cette fin. Une inscription sur une liste officielle adoptée par plusieurs pays européens, comme l'Allemagne et le Portugal. À la fin du mois, un texte sur le démarchage sera débattu à l'Assemblée nationale, mais cette disposition n'en fait pas partie. Au chapitre santé maintenant. De ses collègues, il a été embauché jeune en CDI. 50 ans plus tard, Léo Masson, son petit-fils, est aussi ouvrier, mais pas dans une usine. Il travaille dans un entrepôt logistique avec un statut beaucoup plus précaire, entre CDD et intérim. Georges n'a jamais connu de chômage, qui était à l'époque de 3% chez les ouvriers. 50 ans plus tard, Léo a déjà connu 6 mois de chômage, un chômage à 13% aujourd'hui chez les ouvriers. Côté vacances, Georges prenait en général une semaine à Noël, 3 en été, 4 semaines de congés payés dans les années 70. Léo a lui 5 semaines de vacances, une de plus aujourd'hui. Georges passait 40 heures par semaine à assembler des portières de voitures. Léo gère ses expéditions de colis 35 heures par semaine. Dans les années 70, le pouvoir d'achat de Georges augmentait en moyenne de 3% par an, bien plus que pour Léo actuellement, plus 0,7% chaque année. L'espérance de vie a elle aussi évolué, 71 ans pour Georges à l'époque, pour Léo c'est passé à 78 ans, mais ce qui n'a pas changé pour le grand-père et le petit-fils, c'est l'écart avec les cadres. Les cadres vivent 7 ans en moyenne de plus que les ouvriers aujourd'hui, le même écart que dans les années 70. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Alors l'industrie renaît de ses cendres, attire les investissements étrangers. Qu'est-ce qui nous rend aussi attractifs ? Eh bien quand vous posez la question à des patrons étrangers, ils vous répondent deux choses. Vous les Français, vous avez la matière grise, par exemple nos chercheurs du CNRS, et vous avez des infrastructures de qualité. Ensuite, les entreprises, vous savez, elles regardent, elles comparent même les politiques fiscales des pays. Et là, notre crédit impôt recherche, une niche fiscale de 6 milliards d'euros, est toujours très appréciée. Et puis ce qui est nouveau ces dernières années, c'est que la France, elle a flexibilisé l'emploi, elle a aussi fait baisser le coût du travail. Dans l'industrie, aujourd'hui, désormais, une heure travaillée en France coûte moins cher qu'en Allemagne. Et ce qu'il faut constater aussi, Anne-Sophie, c'est que si nous avons autant la cote, c'est que l'attractivité de nos voisins est en train de baisser en Allemagne. Recruter, c'est un casse-tête. Et puis investir au Royaume-Uni, aujourd'hui, avec le Brexit, c'est plutôt un repoussoir. On a cru pendant des années que les délocalisations étaient inévitables. La Chine produisait moins cher. Alors, il n'y a pas de fatalité ? Il n'y a pas de fatalité parce que la mondialisation, elle a changé. Vous savez, aujourd'hui, les patrons, ils font leur compte. En Chine, les salaires ont augmenté. On peut même dire qu'ils ont bondi. Et puis, l'addition, elle s'alourdit avec le coût du transport. À quoi vous devez ajouter le coût de l'empreinte carbone ? La préoccupation environnementale, elle est devenue primordiale dans les stratégies, comme la possibilité d'une guerre commerciale et de droits de douane. Tout ça, alors qu'on pourrait produire plus près, par exemple, avec de la technologie, des imprimantes 3D. Et donc, la conséquence, c'est que les productions, elles se régionalisent, ce qui ne veut cependant pas dire que réindustrialiser la France est un pari facile. Merci beaucoup, Alexandra. On l'a vu se faire, le visage était en sang. La vidéo du jeune homme arrêté lors de la manifestation de samedi a suscité l'émotion et provoqué l'ouverture d'une enquête de la police des polices, l'IGPN. Mais le jeune homme est lui aussi mis en cause. Trois agents ont porté plainte contre lui. Explication de Clément Le Goff, Sophie Nemeyer et Loïc Lemoigne. Une interpellation violente et deux versions qui s'opposent. Que s'est-il passé samedi dernier vers 14h45 près de la gare de l'Est? Après l'enquête ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ce sont trois policiers qui portent plainte contre le jeune homme blessé. Ils estiment avoir eux-mêmes été victimes de violence avant et pendant son arrestation. Lorsqu'on arrive à l'interpeller, qu'on le met au sol, il crache au visage de notre collègue. Dans un deuxième temps, il crache du sang dans la gorge de notre collègue et il lui dit « J'ai le sida, tu vas crever ». Le policier a été placé sous trithérapie selon sa hiérarchie. Le manifestant de 20 ans, lui, a refusé de parler en garde à vue, mais il nie les faits selon ses avocats. Inconnu des services de police, il est originaire de Rennes et s'est vu prescrire 4 jours d'interruption temporaire de travail pour sa blessure à la tête. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Il est blessé et son seul souhait est de retrouver sa famille et un petit peu de sérénité après la violence de son interpellation. Faisait-il partie des manifestants qui s'en prenaient aux policiers quelques minutes plus tôt, comme le disent les fonctionnaires? Impossible à vérifier avec certitude pour le moment. Le jeune homme n'a pas déposé plainte. D'abord placé en garde à vue, il a été déféré au parquet et laissé libre sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Et l'État tarde à dépolluer. La commune de Pont-Favergé a donc décidé d'intenter une action en justice. L'œil du 20h est signé Lila Bellili, Laurent Desbois, avec notre bureau de Lyon. Franchir ces grillages est passible de 6 mois de prison. Près de Reims, 500 hectares classés secret défense, où furent testés pendant des décennies les détonateurs de la bombe atomique. Aujourd'hui, le site est désaffecté. Mais des caméras continuent de veiller sur ces terres qui inquiètent tout un village. À l'horizon, la colline de Moronvilliers surplombe le village de Pont-Favergé. Le mont appartient au CEA, commissariat à l'énergie atomique, un ancien terrain militaire qui fait tache juste en face des vignes de Champagne. Des centaines de tirs y ont eu lieu jusqu'en 2013 et au grand regret du maire, ils ont laissé des traces sur la colline. Dans les tirs, il y avait de l'uranium. On sait aussi qu'il y avait du tritium. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait des petites traces de plutonium. Des substances radioactives que le CEA reconnaît avoir utilisées sur le site. Le maire craint qu'elles aient contaminé les lieux. C'est hors de question que j'accepte qu'on puisse laisser des déchets radioactifs dans le village. Pendant 50 ans, les élus, les habitants ont fait confiance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a été floué, quoi. Et ça, c'est inacceptable. Après des années de silence, le CEA a reconnu que 2,7 tonnes d'uranium sont encore présentes sur le terrain militaire. Mais secret défense oblige, aucune expertise indépendante n'est possible sur place. De l'uranium, cet employé dit en avoir vu sur le terrain. Depuis, il craint la pollution à long terme. Dans peu de temps, on n'en parlera plus, mais tout le monde se baladera là-bas et puis c'est dangereux. C'est un cadeau empoisonné pour les futures générations. Quel risque pour les populations et l'environnement? Contacté, le CEA se veut rassurant sur ce qu'il appelle le marquage, la pollution radioactive. On a marqué la nappe, mais à des niveaux qui sont relativement faibles. Dans les eaux des rivières, il n'y a aucun marquage de notre part, et ça depuis toujours. Le seul scientifique indépendant à avoir étudié la question est sceptique. Cet uranium, petit à petit, risque de se relarguer dans les eaux souterraines. C'est une substance qui va être radioactive pendant des milliards d'années. Donc on ne peut pas banaliser la présence de 2,7 tonnes, d'après le CEA, d'uranium. Face au secret défense, la petite commune a fait appel à l'avocate Corinne Lepage. Ils attaquent l'État et le CEA au tribunal administratif et demandent, c'est une première, que le site soit remis en état. Il y a les règles de droit du secret défense, ok. Mais il y a les règles de droit liées à la réparation du préjudice écologique, qui est une règle de droit communautaire et qui s'implique au CEA comme aux autres. Donc ce que je lui demande, eh ben, c'est de réparer ce préjudice écologique. Comment? En mettant en état. Le CEA assure que des études vont être menées sur la dangerosité des quelques tonnes d'uranium toujours là. Mais il faudra le croire sur parole. Aucune contre-expertise n'est pour l'instant autorisée sur le site. Ils ont le vent... Invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la France Insoumise du Nord. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par la presse de votre région, La Voix du Nord. Bonjour, Julien Lécuyer. Bonjour, Oriane. Bonjour, merci. Merci d'être là, Julien. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites, hein, Adrien Quatennens, et cette contestation contre la réforme qui se poursuit avec de nouveaux modes d'action. Nouvelle coupure de courant hier dans le sud de Paris, revendiquée par la CGT, après celle revendiquée par la CGT Énergie au siège de la CFDT. Est-ce que vous condamnez clairement ce type d'action ? Je condamne l'entêtement du gouvernement, je condamne son jusqu'au boutisme et je condamne l'idée selon laquelle la démocratie, ce serait une fois tous les 5 ans et après on sautait. Vous savez, le processus qui est à l'œuvre, s'agissant c'est pas tellement une réponse social, à la question, M. Quatennens. Sur les actions, vous allez voir. Caution, condamnation. Vous n'écrirez pas mon texte, de toute façon. Je vais vous répondre comme je l'entends. Je vais vous dire une chose, on a, s'agissant du mouvement social de contestation pour le retrait de la réforme à points, exactement le même processus que celui qu'Emmanuel Macron a essayé d'employer au moment du mouvement social des Gilets jaunes. Moi, vous savez, je fais le parallèle, ça va contribuer à répondre à votre question, vous allez voir. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en y allant, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient absolument convaincus de l'idée de la nécessité de manifester pacifiquement. Et qui, à mesure que le temps passait et que les démonstrations se faisaient et que la réponse du gouvernement était un mépris en règle, ont basculé de l'autre côté et ont fini par croire que la violence était une solution. Et je peux vous dire que les mêmes sont venus me voir ensuite en me disant « Nous, on n'y croit plus, puisque regardez, quand on fait des manifestations, quand on respecte les formes traditionnelles et le droit à la grève, eh bien, en quelque sorte, ou à la mobilisation, à la manifestation, il ne se passe rien, puisque techniquement, le pouvoir a les moyens de continuer comme si rien ne se passait, comme si, effectivement, la démocratie, c'était tous les 5 ans. » Eh bien, on a le même processus qui est à l'œuvre. Enfin, je sais que dans les médias, actuellement, il y a une petite ambiance qui voudrait laisser entendre que le mouvement s'essouffle, mais c'est un miroir déformant. Car si on veut bien considérer l'élargissement à des secteurs professionnels qui n'ont pas l'habitude, d'ailleurs, d'être dans les mobilisations, on regarde toutes ces formes qui montrent que ça craque de partout. Ces avocats qui remettent leurs robes au pied de leurs ministres, ces pompiers qui s'allongent sur les places publiques. On a un pouvoir qui ne tient absolument pas compte de la réalité. Donc moi, je vous le dis, j'appelle de mes voeux à ce que la mobilisation soit toujours tranquille, pacifique. Mais les formes d'action sur lesquelles vous demandez mon assentiment sont inéluctables du moment que le gouvernement entend continuer par la force à imposer un projet de loi. Non, je ne les condamne pas. Je considère, moi, pour ma part, stratégiquement, que la condition d'un rapport de force favorable, à mon avis, est celle du nombre. Et que obtenir le seuil qui permet un rapport de force par le nombre nécessite des formes d'action pacifiques. Mais je constate effectivement qu'après 47 jours de grève, ce qui fait de ce mouvement social le plus long, le plus ample de toute l'histoire de la Ve République, on a un pouvoir qui n'a pas varié d'un iota. Parce que même la fumisterie sur l'âge pivot pour la génération avant la retraite à point, c'est effectivement un tripatouillage qui permet de faire en sorte de duper les gens. On va revenir sur le fond du texte, voilà, hein, donc mais sur la forme mais, encore. Mais simplement, parce que c'est vrai que vous valorisez des initiatives plutôt sympathiques, j'entends, parce que le concert de l'Opéra de Paris, c'est forcément, ça offre une image qui est très positive. Mais quand on parle d'intrusion, alors si ce n'est violente, mais en tout cas agressive. Voilà. Et vous agressive avez raison de préciser si ce n'est violente, parce qu'on avait dit que c'était un saccage du siège. Les mots, mais par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon vient soutenir des grévistes de la RATP, qui ont eu des insultes homophobes vis-à-vis de non-grévistes. Non, mais attendez. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose d'assez logique ? C'est exactement le même processus. Vous vous souvenez, les Gilets jaunes, ils étaient homophobes, ils étaient antisémites, ils étaient tous violents. Écoutez, qu'après 47 jours, des gens soient exaspérés, il va sans dire que ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi, ni personne à la France Insoumise, et c'est même dommage qu'on n'ait pas du temps d'interview pour en parler, ne peut soutenir des insultes homophobes s'il y en a eu. Quand les gens s'emportent, ça peut arriver de s'emporter. Et bien évidemment que si quelqu'un est concerné et se sent effectivement homophobe et procède à des insultes, c'est condamnable, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais néanmoins, moi je vous demande d'entendre que même si on pourrait le déplorer ensemble, cette forme de radicalisation du mouvement, elle est inéluctable dès lors que le gouvernement entend passer par la force. Enfin, entendez une chose, quand Édouard Philippe en appelle à la démocratie, eh bien moi je redis, la démocratie c'est pas vote et puis ensuite tais-toi pendant 5 ans. Et les formes de mobilisation, la grève, la manifestation, ou ces formes nouvelles, originales, presque iconoclastes de mobilisation qu'on voit dans des secteurs, je demande qu'on l'entende, qui sont quand même pas des secteurs où on a l'habitude de voir les gens manifester et on a l'habitude de les voir passer à l'action, eh bien montre qu'il y a un moment historique. À l'heure qu'il est, après 47 jours de grève, après le fait que le mouvement soit passé sur une période à laquelle les Français sont particulièrement attachés, les fêtes de fin d'année, après aussi le fait que certains Français subissent la grève et ses effets, je demande à ce qu'on entende que les premiers qui la subissent, c'est ceux qui la font, puisque consigne a été donnée à la RATP, à la SNCF, de leur faire payer d'un seul coup le poids de la grève, et bien après tout ça, à l'heure où nous parlons... On demande l'étalement des... Mais évidemment, ça a été fait par le passé. Il ne faut pas en plus asphyxier les gens qui se battent pour l'intérêt général depuis plus de 47 jours. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'après 47 jours de grève, à l'heure où on se parle, les Français sont toujours une majorité à soutenir le mouvement. Mais juste avant de parler de vos propositions, c'est important à soutenir le mouvement et à être opposé à cette réforme, d'une part. Et deuxième chose, et j'en termine là-dessus, pas la sur le caractère de la réforme, démocratique. Puisqu'ils soutiennent l'idée quand même d'un régime universel. Oui, régime universel qui a d'ailleurs pris beaucoup de coups dans l'aile depuis un certain temps et dont on a bien vu que l'universalité était juste un vaste alibi. On va parler du fond après. La deuxième chose, c'est. Attendez, la deuxième chose. La deuxième chose, non, j'y viens. Mais la deuxième chose sur le caractère démocratique, c'est que souvent, Édouard Philippe quand il n'a plus d'arguments sur le fond, et on y vient juste après, se réclame de la démocratie pour dire « oui, mais M. Macron a été élu, il a été élu sur un programme ». Alors, je sais que je le répète beaucoup, parce que je crois que la répétition fixe la notion, mais dans le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, c'était très clair. C'était « nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions ». C'est un double mensonge, parce que le système par points tel qu'il nous est présenté, tel que le gouvernement veut le mettre en place, va non pas toucher à l'âge légal, tout le monde l'aura compris, mais le rendre purement théorique et pousser, contraindre les gens par un effet effectivement de baisse du niveau des pensions, par une décote, à travailler toujours plus longtemps. Donc je dis, Monsieur Macron, ce qui est un mouvement européen. Donc Monsieur Macron, oui, mais c'est très juste ce que vous dites. C'est un mouvement européen, pourquoi ? Parce que la Commission européenne, Bruxelles, a déjà depuis quelques années, avant même François Hollande, envoyé des circulaires de directives s'agissant des retraites, parce que pour eux, la solution... Ça n'est pas le partage de la richesse produite. Pour eux, la solution, c'est que les gens travaillent toujours plus longtemps. Moi, je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus. Travailler plus longtemps n'est pas la solution inéluctable. Et en plus, ça ne fonctionne pas en France. Vous avez un actif sur deux qui, à l'âge d'arriver en retraite, n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Donc, travailler plus longtemps, ça va avoir un effet. C'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active, le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Ce qu'Emmanuel Macron prétend faire comme économie sur les caisses de retraite, il va venir le alourdir sur les caisses du chômage. Voyez-vous, c'est tout ce que ça va produire. Par contre, effectivement, travailler plus longtemps, c'est la solution de celles et ceux qui refusent l'évidence. C'est qu'il faut partager la richesse produite. On nous parle du ratio entre actifs et retraités. Mais personne ne dit qu'un actif aujourd'hui produit trois fois plus qu'un actif dans les années 70, que la productivité a augmenté. Alors où va cette richesse produite ? Car vous devez bien considérer que seul le travail humain produit. Si vous mettez du capital dans un coffre, que vous revenez trois mois plus tard sans qu'il n'y ait eu de travail humain, sauf à ce que vous soyez magicien, il y a forte chance que vous retrouviez exactement la même somme dans le coffre. Le travail humain seul produit, et une part de plus en plus importante de la richesse produite est passée des poches du travail aux poches du capital. Raison pour laquelle, sur le fond, moi je le dis, travailler plus longtemps n'est pas la solution, ça n'est pas non plus désirable si on veut bien considérer que l'espérance de vie en bonne santé dans le pays est à 63 ans, et je demande que tous ceux qui nous écoutent comprennent que le fameux âge d'équilibre dont est doté le système par points ne va pas rester à 64 ans. Il va se décaler génération après génération. Plus le temps va passer, plus ils vont de manière automatique, presque sous forme d'algorithme en quelque sorte, décaler l'âge d'équilibre pour pousser les gens à travailler plus longtemps. Ça n'est pas une bonne solution, vous savez, pour financer ce que nous proposons, parce que nous avons présenté avec la France Insoumise un contre-projet complet. Il n'y a pas besoin de faire la révolution, hein. Nous avons la logique inverse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa logique est austéritaire, comptable, budgétaire. Il dit « je veux contenir la part des richesses consacrées aux retraites, espérant que les gens fuient vers la capitalisation. » Et pour contenir cette part des richesses, il fait de la variable d'ajustement la vie des gens, notamment à travers l'âge auquel vous pourrez partir avec une pension à taux plein. Moi, je veux renverser la logique. Quand on fait de la politique, ce n'est pas la comptabilité et les règles budgétaires qui doivent dicter la réalité sociale. C'est la réalité sociale qui est un but. Et on met la comptabilité à son service. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous proposez comme mesure de financement à votre programme, qui, je le rappelle, votre contre-proposition, c'est retraite à 60 ans, c'est un minimum vieillesse porté au seuil de pauvreté, je crois que c'est le minimum garanti au SMIC. Pour une carrière complète. Pour une carrière complète. Tout ça avec une part du PIB qui va consacrer aux retraites qui serait augmentée à 16%. C'est-à-dire d'ici à 2040, quasiment inégalé, hein, au moins en Europe ou dans l'OCDE. Deux points de PIB de plus. Hein, oui, mais, ce n'est pas égalé dans l'OCDE. Mais attendez, ce qui n'est pas non plus égalé. Concrètement, comment vous financez ces mesures qui paraissent un tour de force, étant donné qu'aucun pays de l'OCDE n'est capable de le faire ? Bon, écoutez, d'abord la première chose, avant de s'intéresser à la comptabilité, je vais vous répondre, c'est est-ce que c'est désirable ? Vous-même, est-ce que ça vous plairait d'avoir la garantie de pouvoir partir à 60 ? Vous savez, depuis quelques mois, on ne parle de la retraite que comme si c'était un problème, vous savez, une équation, un problème de maths à résoudre. D'abord, dire une chose. Est-ce que la retraite est un problème ? Non, moi je ne le dis pas, mais ça l'est souvent. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il y ait des gens tout à fait enthousiastes dans leur travail, qui se réalisent, qui se plaisent dans leur travail. Pour le dire autrement, que le travail ne soit pas qu'aliénation, ça peut faire accord entre nous. Pour autant, vous devez bien considérer que beaucoup de gens sont épuisés par leur travail et qu'arrivé à 60 ans, on aspire à autre chose que de continuer. Il y a des tas de métiers qui sont pénibles dont la pénibilité n'est pas reconnue. Donc le travail n'est pas toujours pénible, mais il l'est bien souvent. Et puis le progrès. Presque de manière philosophique, ça a toujours été de considérer, à mesure que le progrès avançait, qu'on pouvait peut-être se libérer du temps. C'est un débat presque philosophique, mais je vous pose la question, elle mériterait plus que le temps qu'on a pour discuter. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? C'est une vraie réflexion. Surtout dans un contexte où nous achoppons sur la question climatique, qui pose aussi la question de notre modèle de production. Mettons ça de côté, ce serait beaucoup trop long. Mais donc, sur la question du financement. Donc sur la question du financement, effectivement, moi je propose avec la France Insoumise que nous revenions à la possibilité de partir à 60 ans, c'est-à-dire un âge décent si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé, avec effectivement aucune retraite sous le SMIC pour une carrière complète, avec le fait que personne ne vive sous le seuil de pauvreté en dessous duquel tout le monde sait qu'on ne vit pas mais qu'on survit, et la question bien évidemment de la comptabilité arrive, comment vous financez tout ça? Je l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire la révolution. Jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays augmentait, on augmentait à peu près proportionnellement, ça se vérifie d'ailleurs statistiquement, la part des richesses consacrées aux retraites. Moi je dis simplement, si nous avons plus de besoins, il faut consacrer une part de richesse effectivement supérieure pour financer les mesures que je viens d'égrener avec vous et que vous avez d'ailleurs bien apprises, et je m'en réjouis. Il faut 2 points de PIB de plus d'ici à 2040, c'est-à-dire passer effectivement des 14% d'aujourd'hui, c'est un peu technique, à 16%. Très franchement, ce n'est pas la révolution. Et il y a des mesures à réaliser qui sont assez simples. D'abord, tout le monde nous dit que la grande cause du quinquennat, ça se vérifie pas bien d'ailleurs si on veut bien considérer les moyens déployés, ce serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Bien, si vous faisiez l'égalité salariale entre les femmes et les hommes aujourd'hui, là, à l'instant T, vous savez que les femmes gagnent en moyenne 22% à travail égal de moins que les hommes. C'est un problème, je pense que tout le monde en est d'accord. Si vous solutionnez cette question et que vous payez les femmes au même niveau que les hommes, eh bien, compte tenu des hausses de cotisations et de recettes qu'il y a dans les caisses, vous financez pour l'instant T, à court terme, la retraite à 60 ans. Mais à plus long terme, le Conseil d'orientation des retraites, qui je crois fait plutôt référence dans nos débats actuellement, montre bien que toutes les projections économiques indiquent qu'il n'y a pas de contradiction entre l'augmentation à moyen long terme du salaire net et de la cotisation, dans un niveau qui est relativement indolore. Oui, mais... Alors, quelle hausse? Parce que la hausse du coût du travail, elle est refusée évidemment par les syndicats patronaux. Mais qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs qui vous entendent et qui vous disent « Ah bah tiens, quand il va proposer son projet de retraite, finalement, ça va nous coûter encore plus cher. Comment je vais faire pour vivre ?» D'abord, le travail n'a pas de coût, il a un prix. Puisqu'on vient de se dire tout à l'heure que seul le travail humain produisait. Je vous ai dit, si vous mettez du capital et que vous revenez sans travail humain, vous retrouverez le même. Donc, le travail a un juste prix, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je considère qu'il est effectivement trop mal payé. Je veux vous faire cette petite confidence. Vous me dites, voilà, si on augmente les cotisations, on aura un problème. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand le modèle sécurité sociale a commencé, on était autour de 9% de cotisations. On est aujourd'hui autour de 18%. 17%, il s'agirait pour nous là, de passer à 19%. Et ça augmenterait effectivement moins vite que les salaires. Donc ce serait relativement indolore. Mais qui plus est, quand on voit, et là j'inclus y compris là-dedans les grandes entreprises, on nous dit qu'on a... parlé surtout des grandes entreprises. Mais c'est important. C'est parce l'ensemble que des entreprises mais ça participe qui à l'ensemble du... Mais même aux petits entrepreneurs, je vais vous dire, même aux commerçants, dont on a beaucoup parlé dans le conflit, vous savez, les commerçants dont on nous dit, ils ont subi de plein fouet l'impact de la grève. Moi, je vais vous dire une chose, je m'adresse à eux, aux petits artisans, aux petits commerçants. Et je leur dis, vous-même, comme futurs retraités, vous n'avez pas intérêt à l'instauration de ce système par points qui va en quelque sorte contenir la part des richesses consacrées aux retraites. Mais qui plus est, sans attendre que vous soyez de futurs retraités, vous êtes aujourd'hui des commerçants, des artisans. Vous avez donc intérêt pour que vos affaires fonctionnent, que les gens soient bien payés, que les gens aient des revenus décents. Et donc les commerçants, vous avez aussi intérêt à ce que les retraités de ce pays ne soient pas demain précarisés, mais aient les moyens de venir dans vos boutiques consommer. Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'une chose, moi je vous le dis, avec des indicateurs qui montrent que sur la production de richesses, la distribution de la valeur va à 67% dans la sphère financière, les dividendes, l'actionnariat, 25% seulement dans les investissements et 5% dans la hausse de salaire, vous ne relancez pas une économie. Est-ce qu'on peut essayer de s'accorder sur le fait que quand vous augmentez les petites payes, quand vous augmentez les bas revenus, vous favorisez toute l'économie? Parce que vous savez comme moi que si vous augmentez les revenus de ceux qui ont des bas revenus, ils ne vont pas aller faire boursicotage, Versailles et tout le reste. Ils vont faire quoi? Ils vont injecter directement le supplément de revenus dans l'économie réelle. Et ça bénéficie à tout le monde. Ils vont mieux consommer en quelque sorte. Donc c'est positif, monsieur, que d'augmenter les salaires et les cotisations. Quelque chose que je n'ai pas vu dans votre projet, ou peut-être que ça m'a échappé. C'est tout à fait possible. Peut-être. Bien des choses m'échappent dans ce monde. Est-ce que vous conserverez des régimes spéciaux dans votre projet? Nous voulons aligner les régimes de la pénibilité, l'étendre, étendre leur reconnaissance. Nous sommes plutôt favorables à l'idée de l'universalité, mais pas au prix d'un alignement... un régime universel, mais pas le même. Pas au prix d'un alignement général par le bas. Voilà. Parce que les régimes spéciaux... Donc vous supprimeriez les régimes spéciaux. Nous alignerions la reconnaissance de la pénibilité. Vous ne pouvez pas dire que vous supprimez. Mais écoutez, si vous voulez écrire mon texte, me faire dire que je condamne telle forme d'action, que je supprime telle chose... Ça veut dire ça, quand même. Ce que nous voulons, les régimes spéciaux... Non, mais d'abord, les régimes spéciaux en tant que tels, je veux m'y arrêter, sont pas un problème. Vous savez, on nous dit qu'il y a 42 régimes, c'est insupportable. D'abord, il n'y a pas 42 régimes. Hein. 42 régimes, ça n'existe nulle part, sinon dans la bouche d'Edouard Philippe. D'accord. Un des systèmes les plus complexes au monde. Mais attendez, est-ce que le nombre de régimes est proportionnel à la complexité? Moi, je ne sais pas. Vous pourriez me dire il y a 150 régimes que ça ne me ferait pas transpirer si vous arrivez à me justifier que, en gros, il y a une histoire sociale qui justifie leur existence, qu'il y a quelque part. Attendez, il y a un contrat social dans la plupart de ces entreprises qui sont concernées par des régimes spéciaux qui a été signé en quelque sorte où les gens, moyennant des conditions de travail un peu différentes. Et de rémunération avait la contrepartie de pouvoir partir plus tôt à la retraite. Donc, et puis d'ailleurs, si vous considérez par exemple la SNCF, vous savez comme moi qu'en réalité, ces régimes spéciaux, ils ont déjà quasiment été écrasés. Donc il faut qu'on arrête un peu. Le pari d'Emmanuel Macron dans l'affaire, c'est que la jalousie des Français entre eux va être supérieure à l'aspiration à de bons niveaux de retraite. D'abord, dire une chose, je le dis à tout le monde, 42 régimes, c'est faux. Ça n'existe pas. Monsieur Delevoye a en quelque sorte ajouté autant de régimes qu'il a oublié de lignes dans sa déclaration à la haute autorité. Parce que par exemple, pour obtenir 42 régimes, il a procédé à cette opération que des régimes qui aujourd'hui sont fusionnés, je pense par exemple à Agirc-Arrco, tout le monde sait qu'Agirc-Arrco aujourd'hui ça a été fusionné, pour en comptabiliser 42, ils ont finalement scindé les deux, il y a Agirc et il y a Arrco. Nous on n'en a pas parlé, on parlait seulement des régimes. Le ministère de l'Intérieur c'est quelque chose comme, il dit 23 régimes. Des guillemets. Non mais allez, donc il faut étendre la reconnaissance de la pénibilité, c'est absolument essentiel. Il nous reste beaucoup de temps, Adrien Quatennens, on a bien entendu vos propositions. Les forces de gauche présentent ce matin leurs propositions pour garantir l'avenir du système de retraite. Alors il y a le PS, Europe Écologie Les Verts, Génération, mais pas la France Insoumise. Pourquoi vous êtes désolidarisé de cette démarche? Bon, il ne s'agit pas de dire qu'on s'est désolidarisé, vous allez vite comprendre une chose, c'est qu'on est dans un moment où le mouvement social se porte sur un mot d'ordre qui est le retrait de ce texte et le retrait de la réforme des retraites par points. Et je crois toujours, compte tenu de ce qu'est l'opinion et de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'interview, que ce retrait peut être obtenu. Donc je pense que le bon cadre commun de travail est un cadre qui permet de favoriser l'action, de l'aider, de l'encourager. On a encore quelques idées parce qu'il faut des initiatives permettre d'élargir encore le mouvement. Mais je crois que, mis à part le fait que chacun propose ses contre-projets, et nous l'avons fait avec la France Insoumise, il y a un caractère un peu difficile aujourd'hui au fait de pouvoir s'accorder sur un contre-projet avec des gens dont certains nous disent que finalement la retraite à point ne leur pose pas trop de problèmes. Vous voyez, par exemple, on aurait quelques difficultés à l'heure d'aujourd'hui avec le Parti Socialiste. Moi, j'ai bien lu attentivement, par exemple, Mme Valérie Rabault dans les colonnes de Libération. Bon, je respecte sa position, mais au cœur du mouvement social qui réclame le retrait de la réforme par points, elle réalise une interview dont, en quelque sorte, le titre, c'est « Le problème, c'est l'impréparation du gouvernement ». Et elle nous dit dans ses colonnes que, finalement... Elle dit qu'elle n'est pas opposée au principe du système par points, point, mais qu'elle, n'est pas pour cette réforme-là. Donc écoutez, que l'on discute, que l'on s'accorde sur l'idée qu'il faille le retrait, c'est absolument nécessaire. Et je m'étonne d'ailleurs que le Parti Socialiste et le Parti Communiste aient refusé la proposition, somme toute assez banale, d'une motion de censure proposée par Jean-Luc Mélenchon, parce que chacun sait que quand on propose une motion de censure, tout le monde a la parole. Et par le passé, depuis le début de cette mandature, quand les uns ou les autres proposaient une motion de censure, il n'y avait pas de difficulté au fait que ça se fasse. Alors que le PC et le PS... Je ne sais pas, mais... Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus en mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, j'imagine qu'ils ne déposeront pas de motion de rejet préalable, etc., à l'Assemblée, puisque ils nous ont dit notamment que c'est parce qu'ils voulaient que le débat puisse se faire. Bon, bah, donc ils vont pas déposer de motion et est-ce que c'est pas dû à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui ignore certaines réunions avec le parti communiste, qui boude certaines des initiatives d'un front de gauche? On a l'impression quelquefois de sautes d'humeur qui font tu soutiens pas ma motion de censure, eh bien je ne viendrai pas à ton peut-être effectivement que certains membres du Parti Socialiste ont des sautes d'humeur, c'est possible. Moi ce que je veux dire, pas Jean-Luc en tout Mélenchon cas, oh bon écoutez, on les a tous, hein, les sautes d'humeur. Non, moi ce que je veux dire en attendant, c'est que je crois que personne ne s'y trompe dans le soutien à l'action, dans le soutien au mouvement social. Il faut être très clair, il faut accompagner ce mouvement et pour l'instant, le mot d'ordre demeure demeure le retrait. Et c'est ça qu'on doit obtenir. Mais juste qu'on soit cette bien clair, qu'est-ce que vous allez faire au Parlement le 17 février? Est-ce que vous allez déposer un amendement de suppression de ce texte? Ça commence avant même le 17 février, puisqu'on va rentrer en commission spéciale très bientôt. Mais oui, évidemment, nous nous préparons à une bataille parlementaire qui est annoncée. Mais notre espoir est toujours, d'ici à ce que nous y arrivions, que l'on puisse faire reculer mais le gouvernement. Mais préparer une bataille, ça veut dire faire des amendements au texte. Évidemment, mais comme nous l'avons toujours fait. Un amendement de suppression, mais oui. Ça veut dire, mais il y aura des amendements de suppression, mais pas que. Vous savez, enfin, je veux dire, vous l'avez lu, donc on peut pas nous reprocher quelque chose à la France insoumise. C'est qu'on s'enferme pas ni dans la contestation, ni dans la défense du statu quo. On fait des propositions sérieuses, chiffrées. Je pense que le contre-projet l'a démontré. Donc on sera dans notre rôle. En attendant, il y a une chose, il faut être à l'action. Cette semaine, le gouvernement a l'intention de présenter le projet en Conseil des ministres le 24. C'est une nouvelle journée d'action intersyndicale. J'appelle bien évidemment toutes celles et ceux qui le pourront à y participer. La veille au soir, le jeudi, vous allez voir partout en France des images de ces marches aux flambeaux qui vont se faire dans quasiment tous les départements. Donc, le pays est toujours en ébullition. Et non, le mouvement ne s'essouffle pas. Et le retrait est toujours la solution qui est raisonnable. Deux questions sur les municipales pour terminer dans votre région. Il nous reste très peu de temps. Le Rassemblement national pourrait, notamment dans les Hauts-de-France, emporter plusieurs communes. On pense à Denain, la commune du député Sébastien Chenu. Quelle sera la position de la France insoumise concernant un front républicain? Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, au second tour, de soutenir un candidat à LREM si, d'aventure, ça permettait de faire obstacle au Rassemblement national? Nous verrons bien, mais je vais vous dire une chose, ça ne suffira pas. Et c'est malheureusement, on peut le regretter, inconséquent. Je crois que la stratégie du front républicain ou du barrage, désormais, elle ne fonctionnera plus. Voyez-vous, en manifestation, désormais, il y a une chose qui est très claire, c'est que les gens nous disent « quoi qu'il arrive en 2022, et qui que soit l'adversaire de M. Macron, nous ne voterons pas pour lui ». Et ça, c'est un défi considérable, parce que chacun comprend ce que ça veut dire. Donc, moi, je pense que face notamment à la montée du Rassemblement national, il est plus que temps d'arrêter de la commenter pour, en dernière instance, appeler à faire barrage. Il faut maintenant une stratégie claire face au Rassemblement national qui commence par le fait de s'adresser clairement à cette France qui est en colère, que M. Castaner veut invisibiliser parce que la circulaire détestable sur les municipales qu'a posée le ministre de l'Intérieur va invisibiliser 96% des communes, 50% de la population. Ça veut dire qu'en fait, cette France, notamment cette France des gilets jaunes, demande partielle de l'association des maires ruraux, notamment cette France des gilets jaunes, de la France périurbaine et rurale qu'on a vue revenir sur la scène politique, et bien finalement, d'un seul trait de plume, M. Castaner la raye de la carte en quelque sorte et fera en sorte que les résultats ne seront pas pris en compte. Pour une raison que tout le monde voit, c'est qu'il y a une ambiance crépusculaire à La République En Marche. Ils sont incapables d'avancer convenablement dans ces municipales. Ils ont créé une étiquette diversante qui est un espèce d'aspirateur pour mieux masquer la réalité de leur affaiblissement. Et c'est le cas partout dans le pays. Je demande à ce qu'on l'entende. De la même manière, d'ailleurs, ça fait deux semaines, là. Ça n'a pas l'air de beaucoup émouvoir, hein, mais en deux semaines de temps, vous avez eu deux démissions du parti La République En Marche par des parlementaires. Bizarrement, ça ne fait pas l'événement. Vous vous souvenez, à la France Insoumise, quand il y a des personnages que personne ne connaissait, qui n'ont été élus de rien, qui partaient... Tournée médiatique, c'était absolument l'événement. Là, vous avez des parlementaires qui disent on en a ras-le-bol de ce parti. Alors, en l'occurrence, on en a parlé dans La Voix du Nord, oui, notamment. Mais voilà, donc, on parle de Valérie Petit. D'elle et d'une autre. Il y a effectivement des ministres, des parlementaires qui ne peuvent même plus tenir leurs vœux à la population parce que plus personne ne veut les entendre. Donc il y a cette ambiance crépusculaire et personne n'en tient compte. Et on continue de dire le mouvement s'essouffle. Non, le mouvement ne s'essouffle pas, la colère est bien là. Il lui faut une issue positive maintenant. Et la première étape, c'est d'obtenir le retrait de ce projet dont une majorité de Français ne veulent pas. Et on a bien compris votre message. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin.